Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast spécial, donc le hors-série annuel du bilan de l'année. Donc cette fois c'est l'année 2016, on va vous parler des films qui ont marqué notre année ou d'une bonne ou d'une mauvaise manière on va dire. Il y aura aussi les surprises et les déceptions de cette année, ainsi que on va faire un petit, à la fin de l'émission on fera une petite liste de nos attentes pour 2017, voilà. Ça c'est dit. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et j'ai eu le plaisir de recevoir mes co-hôtes habituels, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Nickel. T'es content, on fait enfin le bilan? Ouais, ça y est. Ouais, ça veut dire que l'année se termine. C'est ça. Ça veut aussi dire qu'on a duré un an de blagues de Morgan et ça. C'est ça. En parlant de Morgan, voilà, Morgan est aussi avec nous. Salut. Oh, joyeux Noël tout le monde. Oui, de bonnes fêtes à tout le monde. Comment tu vas, Morgan? Ah, il y a eu un bug? Non, il y a pas de bug. Ah, j'ai cru. Ce qu'on appelle ça un silence très gênant. Bon bah bonjour. Voilà, vous voyez que ça commence bien et pourtant, je crois qu'on n'a pas bu d'alcool avant de venir. Donc, donc t'es content aussi, Morgane, de faire le bilan? Ah oui, très content. Il est temps parce que l'année commençait un petit peu à me casser la tête d'un point de vue cinéma. Il y avait trop de bonnes choses et trop de mauvaises aussi, on en parlera. Et c'est bien là, au moins voilà, on boucle tout et on passe à 2017. Mais il y a... Normalement, il n'y a pas de film où on est dans des désaccords abominables. Peut-être un. Ouais, encore. Mais normalement, on devrait pas trop s'engueuler, donc. Ouais. C'est bien. Non, c'est bien. C'est on ne s'engueule jamais. On s'engueule, mais on s'aime. C'est voilà. Voilà, c'est ça. C'est la joie de la fin de des fins d'année, quoi. C'est voilà. C'est les petites. Il y en a qui s'engueulent à Noël en famille. Et ben nous, c'est un podcast. Voilà. Voilà, c'est la famille Movies Nerd. Exactement. On voulait juste dire quand même, je voulais quand même dire un petit coucou à Quentin qui devait être là normalement, mais qui n'a pas pu être là pour faire ce bilan de l'année. Donc lui, il a déjà, quand vous écouterez cette émission, lui, il a déjà fait son top sur Sens Critique. Donc vous pouvez aller voir Quentin Penel sur Sens Critique si vous voulez savoir son top. Mais voilà, il pouvait pas être là pour des raisons familiales. Donc voilà. Très varié son top. Il est très étonnant. Oui. Voilà. Mais je pense qu'on a. Il est plein de surprises, ce petit Quentin. Oui. Mais je pense qu'on vous réserve quand même quelques surprises pour ce top. Enfin, Morgan. On en a pas trop dit. Donc. Oui, voilà. On connaît. Personne ne connaît le top des autres, donc voilà. Oui, parce que moi, j'avoue, j'avais donné un peu des pistes, et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et vous verrez. Voilà. Et quand on te dit des fois qu'il faut que tu te taises. Oui, mais ça c'est mon défaut et c'est une pas résolution. Pas juste pour t'emmerder. Mais ça fait 2 ans que je fais cette résolution de me taire. Je vais essayer de la maintenir en 2017, mais je vous promets rien. T'as une autre résolution à prendre. Et Antoine Ruault sera d'accord avec moi, mais bon, on va pas en parler maintenant. Non, on en a déjà parlé. Je ne vois pas de quoi vous parler. On en a déjà parlé récemment, mais voilà. Donc, ce que je voulais faire rapidement avant qu'on commence les tops, et cette fois-ci, c'est un. On va quand même expliquer d'abord la manière dont on va faire ces tops et ces flops. Donc on a à la base on en avait 10 pour les tops, mais Eddy a décidé d'en rajouter 5, donc on a suivi. Oui, désolé. D'habitude c'est Morgan qui fait ça. Là c'est. On en a rajouté 5, donc on ira assez vite du 15 au 11e. On dira le nom et 2-3 phrases pour dire pourquoi. Et ensuite ce sera chacun dit. Voilà, c'est ça. Chacun va dire du 10 au 4 à la suite, et puis après on fera. On parlera. En fait, si vous voulez, si je peux me permettre. Ouais. Vas-y, 15, c'est ton système. Du 15 au 11, on va être très bref, ça va être deux mots à peine. Ensuite, du 10 au 4, on va pouvoir peut-être un petit peu plus en parler, même entre nous, si un de nous veut intervenir, mais on va pas s'attarder non plus. Et les 3 derniers, là par contre, ce sera chacun son tour. Voilà, chacun son tour, et s'il y en a qui veulent ouvrir leur bouche et dire que j'ai tort, bon, je vous invite à ne pas le faire, mais voilà, on peut débattre. Mais pourquoi pas. Voilà, et pour le flop, ce sera pareil, sauf qu'il n'y en a que 10 pour le flop, et puis voilà. Je voulais, voilà, maintenant qu'on a expliqué ce système un peu compliqué à comprendre à l'audio, mais vous c'est verrez... C'est aussi compliqué que de voter pour les primaires. C'est ça. pas de politique. Et du coup, bah, vous comprendrez assez facilement quand on le fera. Moi, ce que je voulais faire, c'était revenir rapidement ensemble sur l'année 2016, ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a pu voir au niveau du cinéma. Donc, Morgan, toi, pour toi, l'année 2016, ça s'est passé comment au niveau cinéma? Je l'ai trouvé excellente. Excellente. Meilleure que 2015, je dois dire. Pour moi, ça a été l'année déjà du cinéma d'animation. Je trouve qu'en termes d'animation, on a vraiment passé un cap et sur tous les genres, hein, que ce soit Kubo, que ce soit même les Disney, même Anomalisa, les plus autoristes. Mais tout, tout. Il y a, La Tortue Rouge, il y a Ma Vie de Courgette. Enfin, il y avait énorme. C'était très hétéroclite au niveau animation. Moi, je trouve que ça a été une grande année de l'animation. Et pourtant, je n'ai pas encore vu Le Garçon et la Bête, toujours pas. J'ai pas eu oui, en plus, Le Garçon et la Bête, moi non plus, mais je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça a été une grande année d'animation, ça, je suis bien d'accord. Et même sur le cinéma étranger, le cinéma sud-coréen, on en parlera. Oui, le cinéma français aussi. Bon, on a eu quelques merdes, mais on a eu des bonnes surprises. On a eu des bonnes surprises, des prestations qui vont aux Oscars. Isabelle Huppert va nous représenter. Elle va être nominée aux Oscars, c'est sûr. Elle a des chances de l'avoir. Elle est au Golden Globes. On croise les doigts pour elle. Des réalisateurs qui reviennent, Mel Gibson. Donc ça fait plaisir. Et aussi, des grands rôles de femmes. C'est ça que j'ai aimé. On a eu des personnages pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, en termes d'actrices, les actrices ont bien été représentées cette année. On a eu des prestations très fortes sur des genres très différents. Je ne vais pas m'éterniser pour garder un peu la surprise. D'accord, ok. Eddie ? C'est à peu près pareil que Morgan. De toute façon, finalement, on pense à peu près tous la même chose. Donc, ça a été une année assez surprenante. Meilleure que 2015, je sais pas. Ouais, j'ai un peu du mal. Parce que pour 2015, j'avais quand même Jurassic World, il y avait Star Wars, il y avait. Vice-versa. 2015, c'était. Ouais, c'est ça. C'était une grosse année en ce qui concerne le divertissement. Là où je suis content, c'est que finalement, je me rends compte en faisant mon top et le bilan de l'année que. En fait, j'ai aimé autant de gros films que de petits films. Et ça, c'est. Enfin, de petits films. Il y a des petits films, des moyens films et des gros films, quoi. Il y a un peu de tout. Alors que l'année dernière, c'était quand même beaucoup plus de gros films. Oui. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est une année qui a plus laissé de la place un peu à tout. Et ça, c'est bien aussi. Ouais, complètement. Pour rajouter rapidement, c'est ce que je voulais dire, c'était aussi, comme l'a dit Morgan, au niveau de l'animation, c'est vraiment assez exceptionnel ce qu'on a eu. On a eu aussi des merdes, on va pas se le cacher. Oui, on a eu comme des bêtes. Voilà, pour pas le citer. On a eu de très, très belles choses. On a eu des très beaux films de tous les pays. Franchement, moi, j'ai un top qui est beaucoup plus international que l'année dernière. Qui était qui se centrait plus sur les États-Unis l'année dernière, à peu près pour tout le monde, puisque c'était une année où il y avait énormément de blockbusters. C'est ça, c'était la grosse année. On savait que 2015 ce serait la grosse année des blockbusters. Ouais, voilà, c'est ça. Cette année, franchement, c'était une très bonne année au niveau du cinéma. Il y a eu des merdes, on va pas se cacher non plus. On a eu de beaux films qu'on a bien, on a bien souffert en les regardant. Mais c'est aussi ça le cinéma. Il peut pas avoir que des numéros gagnants. Donc voilà, on va peut-être commencer tout de suite après ce rapide bilan je vais vous dire le top. On va faire le petit générique comme d'habitude. De toute façon, au niveau musical, ça change pas. Je garde ce qui marche. Donc voilà, on passe au top. On est donc au top de l'année 2016, donc cette fois-ci c'est un top 15 et pas un top 10. On va commencer par. Un top quoi ? Un top gun. ça commence très fort. Hein, oui, on n'est pas rendu au bout. Non. On n'a même pas évoqué un seul film quand. Voilà. Oui. Donc on va peut-être commencer par Eddie, donc du 15 au 11. Vas-y. Alors, numéro 15 pour moi, c'est Steve Jobs de Danny Boyle, que j'ai apprécié, mais pas autant que les autres, c'est pour ça qu'il est là. Ça aurait pu être Steve Jobs, mais Steve Jobs a quand même dépassé Tu ne tueras point. Tu ne tueras point ne sera pas dans mon top du tout. Ah il bon est 16e, ouais. Malheureusement, okay. Ouais, malgré tout. T'as réussi à le caser quand même, hein, bravo. Ouais. Ensuite, 14, 10 Cloverfield Lane, de Dan Trachtenberg. J'arrive pas à dire son nom. Oui, Trachtenberg. Moi qui n'étais pas fan de Cloverfield du tout, j'ai été vraiment surpris. C'est un excellent huis clos et la SF est même bien dosée, je trouve. Ça arrive quand il faut. Enfin voilà, c'était un très bon film que je recommande beaucoup. On en a déjà parlé, donc je m'attarde pas. Numéro 13, Batman v Superman, l'aube de la justice, de Zack Snyder, mais en Ultimate Edition. Parce que la version cinéma m'avait assez désappointé, mais la version longue est beaucoup plus convaincante et du coup le film va vraiment au bout de son potentiel et ça c'est très bien. Donc ça a été une bonne surprise, donc mon 13e, mais il est quand même dans un top, c'est bien. 12e, Le Monde de Dory, de Andrew Stanton et Angus MacLean. Oui. Super accent anglais. Et là, Le Monde de Dory, pareil, très bonne surprise. Moi, j'avais peur que ça soit moins passionnant que Nemo. Alors oui, c'est moins passionnant que Nemo, il n'y a plus la même surprise, mais les personnages sont tellement attachants et le film est tellement beau aussi visuellement que voilà, enfin, il y a de l'humour, c'est une galerie de personnages qu'on est content de retrouver, donc forcément, moi, ça m'a plu. Donc du coup, 12e, ce qui n'est pas une mauvaise place non plus. Bah non, oui. Et numéro 11, et là, à mon avis, ça va vous surprendre, Vaiana, la légende du bout du monde, c'est de John Musker et Ron Clements. Voilà, ça a été une bonne surprise aussi. Moi, j'attendais beaucoup ce Disney, j'ai pas été déçu, pas du tout, mais c'est rétrospectivement, quand je le compare à d'autres films que j'ai vus dans l'année, je peux pas le mettre au-dessus. Mais j'ai été absolument charmé par ce film. Enfin, j'ai trouvé magnifique. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus longtemps de Vaiana. Oui, parce que c'est vrai, ouais, du coup, on a pas fait de podcast dessus. Pareil pour Tu ne tueras point. Mais on, c'est vrai on voilà, en parlera. Voilà, moi j'ai quand même été bluffé visuellement. C'est fou. Même les chansons, je disais tout à l'heure, elles sont peut-être pas exceptionnelles. Moi, je les ai tout le temps dans la tête. Donc, c'est bien signe quand même qu'il y a un truc. Ouais. Et puis je trouve que voilà, au niveau des thématiques, c'est pas mal aussi. Il y a vraiment des bonnes choses, donc très bonne surprise ce Vaiana. Voilà, okay. D'accord, nickel. On va passer du 15 au 11 de Morgan. Oui, j'ai eu du mal. On l'a fait juste avant d'enregistrer, hein, puisqu'on était un peu surpris. On était à la base parti sur un top 10, et Eddie a eu la bonne idée de nous donner des devoirs supplémentaires et de nous permettre. J'ai été incapable de faire un top 10 parce que j'ai vu trop de films et ça m'aurait fait chier de ne pas pouvoir inclure tous ceux que je viens de citer là. Ça aurait été trop compliqué. C'est des films que j'ai trop aimés pour ne pas les citer en cette fin d'année. Donc, désolé. C'est pas grave, j'ai réussi. Voilà. Alors, mon numéro 15, The Strangers de Na Hong Jin. Exact. J'ai le chic pour choisir des réalisateurs avec des noms compliqués. Un de mes gros coups de cœur, pardon, de 2016, de l'été 2016, hein, qui était un peu triste, hein, faut l'avouer. Oui, ouais, ouais. On n'a pas parlé même de l'été, on n'a pas parlé de l'été, mais ouais, l'été. Ouais. voilà, un film hybride sud-coréen, hein, avec une qui m'a bluffé qui m'a à la fois bluffé un peu décontenancé parce que c'est un rythme particulier. Oui, C'est un rythme particulier, c'est une ambiance particulière, mais j'ai adoré ce mélange des genres et cette maîtrise totale du sujet, de la direction, de la mise en scène, de tout. C'est pour moi un film absolument génial que vous devez voir de toute urgence et sortir en Blu-ray très bientôt. Et même si on ne connaît pas le cinéma sud-coréen. Ouais. Ouais, mais moi je ne conseille pas de commencer par ça. Je pense qu'il ne faut pas commencer par celui-là. Non, non, j'ai non. commencé par celui-là et... Non, moi je conseille pas j'ai du tout. Pour moi c'est bien, ça tranche. Ça tranche dans le vif, au moins il y a... Ah ça c'est sûr. Ouais c'est mais... Sûr. Voilà quoi. Si mais après, j'ai aimé, hein, j'ai aimé. Ouais, voilà. Mais si t'es pas, retourné, si tu t'attends pas à ce genre de truc, je pense que t'es. Après, tu dis, les films coréens, c'est pas pour moi. Faut pas s'arrêter à ça. Voilà, c'est ça. Non, vaut mieux commencer par Busan, justement, je pense. Justement, c'est une bonne porte d'entrée. Ouais. Vas-y, Morgan, continue. Numéro 14, Room de Lenny Abrahamson. Numéro 14. Oui, numéro 14, j'aurais pu... Alors, en fait, si vous voulez, ce film, j'ai eu la mauvaise idée de ne pas le revoir. Il m'avait beaucoup plu hein, quand il est sorti en mars, il me semble. Là, c'est pas qu'il s'est effacé dans mon esprit, mais il y a d'autres films que j'ai vus et qui m'ont davantage touché. Mais ça a été une petite... un petit moment qui m'a bien bouleversé au cinéma, auquel je m'attendais pas du tout, parce que je m'attendais vraiment à un truc mélo, sirupeux, et finalement, ouais, très académique, et au final, c'est un drame intimiste très bien réalisé, et Brie Larson est magnifique dedans. Donc, mais je pense que le film a surpris tout le monde sur ce point-là. Ouais, personne ne s'attendait à quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a cueilli, puis aussi, voilà, cette idée de deux parties bien distinctes dans le film, l'une un peu thriller, l'autre la chronique familiale, et c'est... C'est un très beau mélange et magnifique à voir. Numéro 13, Tu ne tueras point de Mel Gibson. Là aussi, il fallait ouvrir. J'ai pas compris la blague avec ouvrir. Bah, Gibson, son. D'accord. Voilà. D'accord. Oh là là. Donc, alors, je le mets. Ouais, il aurait pu faire une blague sur des guitares, alors c'est bon. Ouais. Il va beaucoup. Je vais pas changer Jean-Jacques Goldman. Il a beaucoup. Alors c'est un film que je mettrais pas au top du top comme je vois dans pas mal de tops justement, parce que c'est un film qui pour moi n'est pas marquant dans. Je sais que c'est pas un film qui va me marquer à vie, mais sur le moment. Ouais. Je préfère Brevard par exemple. Plus marquant, plus beau. Mmh. Ça c'est un film d'une maîtrise absolue et c'est le grand retour de Mel Gibson et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je pensais surtout avec son. Voilà son côté un petit peu. Enfin, il a un peu boudé des médias, hein, parce qu'il a des déclarations un peu. Voilà. Pas du tout. Bah, je trouve quand même qu'on le snob un peu, hein, par rapport oui, à. Oui, mais complètement. Non, mais c'était. Ah, d'accord. Ah, oui, non, mais. Enfin, c'est. Bref, moi, ça m'énerve de toute façon. Comme ceux qui lui crachent à la gueule par rapport à. Fait qu'il a été dire que il aimait pas la violence des films Marvel, les gens sont même pas capables de comprendre son. Oui, non, mais c'est pas pour ça. Non, c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça, mais c'est un exemple, quoi. Les gens sont complètement cons. À partir du moment où on a lancé une rumeur sur Mel Gibson et qu'il a eu un petit dérapage, ça y est, c'est la risée et tout, alors que c'est quelqu'un de beaucoup plus respectable que beaucoup d'autres cinéastes qu'on accuse pas. Et ça n'empêche pas de faire des films géniaux et d'avoir des choses à dire. Il est revenu avec un film, il avait vraiment un sujet. Voilà, c'est à la fois violent et profond, et ça a été un petit coup de. Une petite claque dans la gueule, ce film, et j'ai adoré. Ah ouais. Numéro 12, un film que j'ai vu récemment, Personal Shopper d'Olivia Sayas. D'accord. Et voilà, parce que c'est le film peut-être le plus authentique de l'année. Alors, vous allez me dire, il est un peu bas par rapport, mais c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, le genre du fantastique revisité de façon à Sayas, avec tout ce qu'il y a de plus épuré. De tout ce qu'il y a de plus bizarre, c'est un film très ambigu qui n'explique pas vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis sorti un petit peu troublé. J'ai dû parler à des gens qui l'avaient vu pour savoir. Il a quand même été troublé par Kristen. Hein. Ah, mais alors, Morgan vois... qui nous rabat les, enfin qui nous rabat les oreilles avec Ty Sheridan, Michael Fassbender et tout. Là, Kristen Stewart, ça lui a, enfin, on a oui, bien vu qu'il y avait eu quelque chose. Donc, Kristen Stewart avec ce film-là est peut-être dans mon top 5 des meilleures prestations de l'année. Et elle fait partie aujourd'hui de mes actrices de cœur parce que c'est une fille. J'ai dit pique pendre sur elle. Je l'ai traînée dans la boue à l'époque de Twilight et on m'avait dit tu vas voir un jour. Elle Café va Society. Oui, voilà, Café Society aussi. Et si, ça avait commencé par Six Maria, du même réalisateur. Et donc, il a trouvé sa muse et elle est géniale. Elle en fait pas trop. Elle est très, très dans la retenue. Et le film est comme ça d'ailleurs. C'est éblouissante sobriété, très bizarre et c'est un très beau film à aller découvrir, mais je peux pas vous en dire trop parce que c'est un film qui mérite de. Voilà, faut le découvrir en temps voulu. Numéro 11. Quand on fait un aparté, c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, mais c'est des tops, c'est pas que de l'objectivité, c'est personnel. Ah non, c'est purement subjectif total. Y a pas d'objectivité dans les tops. Hein. Non, enfin, dans nos non, tops. C'est vrai qu'il faut pas s'attendre à. Voilà. Enfin, voilà, on va pas. Faut pas s'attendre à mettre, oui, ce qui, à nos yeux, est le meilleur film de l'année, objectivement, machin, meilleure mise en scène et tout. Non, c'est personnel, c'est ce qu'on a le plus aimé, c'est les séances qu'on a le plus appréciées. C'est ça, voilà. C'est les sentiments qu'on a ressentis devant le c'est film. C'est ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Ensuite, numéro 11, Nice Guys de Shane Black. Ah, voilà, oui. le retour du buddy movie par excellence. Là aussi, je m'y attendais pas du tout parce que. À première vue, je suis pas très client de Ryan Gosling, mais là aussi, c'est un acteur que je commence à redécouvrir. J'ai revu Drive récemment, si je n'aime toujours pas le film, mais je trouve que le jeu de Ryan Gosling est très intéressant. et je lui ai découvert une drôlerie que je n'avais jamais soupçonnée chez lui. Dans Nice Guys. Et c'est aussi bon, peut-être même meilleur que le premier L'Arme Fatale. Vraiment. Le rythme, la violence aussi, c'est un film qui est très violent. Violence, c'est frontal. Et l'humour, c'est drôle. Mais je me suis marré pendant 2 heures. C'est un régal. C'est aussi bien écrit. Parce qu'on pourrait dire que oui, bon, ça s'attarde sur le côté, sur le rythme, sur l'humour. Mais ça délaisse le scénario. Pas du tout. Un film marche très bien. Et c'est un duo génial. Et apparemment, un deuxième est prévu. Et j'ai hâte de les revoir. J'adore ces deux personnages. Voilà. Ok. Eh ben, parfait. Moi, je vais passer alors mon top du 15 au 11. Alors, avant de faire mon top, je vais quand même prévenir parce que j'ai pas eu le temps de voir tous les films que je voulais voir. Il y a plein de films que je voulais absolument voir que je n'ai pas pu voir. Donc, Arrival, Ten Cloverfield Lane, Le Garçon et la Bête, j'en cite 2-3, mais il y en a pas mal. Rogue One, que j'ai pas vu. Donc, si le top risque de changer, je préviens. Le mec est tellement sûr qu'il y en a un de ceux-là qui va finir dans son top. Mais c'est oui. Enfin voilà. Mais comme j'ai pas eu l'occasion de pouvoir les voir, je préviens quand même pour pas dire que je les ai oubliés. Non, je les ai pas oubliés, je les ai pas vus. Donc voilà. On commence avec le numéro 15, Le Monde de Dory, Andrew Stanton, c'est un très bon film d'animation, comme l'a dit Eddie, moins surprenant que Le Monde de Nemo, mais pourtant je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire du bon taf avec l'univers du Monde de Nemo. Ils ont fait un truc assez original, qui marche, qui fonctionne et qui est plaisant à regarder, et qui est très beau. Tout bêtement, c'est que c'est pas facile de faire une bonne suite, et là c'est une bonne suite. Voilà, c'est ça. Déjà rien que ça. Et même si à Kev Adams, c'était un peu du troll. On passe au numéro 14, un film que je pense que, je sais que vous n'avez pas dans votre top, donc mais que j'ai vu très récemment, donc Rosalie Bloom de Julien Rapneau, un petit film français avec Kian Kojandi, qui est un acteur que j'apprécie énormément. Et pas que pour bref, je trouve que c'est un acteur auquel je m'identifie énormément. Dans le film, c'est un film très touchant sur une histoire d'amour, etc. Et c'est vraiment magnifique, c'est super bien filmé. C'est un petit coup de cœur de la fin d'année. Il est sorti, je crois, en mars ou en février, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vraiment adoré la séance chez moi, quand je l'ai vu chez moi. Mais voilà, donc c'est un très très bon petit film que je recommande. Beaucoup. Ensuite, en 13e, Morgane, tu l'avais vu, Rosalie Bloom ? Ouais, elle m'avait un peu ennuyé, en fait. La mécanique m'avait... Oui, non, moi, j'avais trouvé ça très, très sympa et très original pour un film. C'est attachant, original, ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la mécanique m'avait un peu ennuyé. Oui, parce qu'en fait, on se concentre sur... c'est une même partie d'histoire, mais vue de points de vue différents. Voilà, il y a pas mal de base, ça m'avait pas touché. Donc, d'accord. Les personnages étaient attachants, les acteurs aussi, mais comme ça ne touchait pas, donc parfois le même point de vue sur une histoire qui ne touche pas, c'est un peu bon. Oui, non. Moi, l'histoire m'a beaucoup touché, donc voilà. On passe au 13e, je suis désolé, Morgane, c'est Busan en 13e. C'est bien! Oui, non, mais c'est que 13e. je l'ai vu hier soir. Donc, c'est un film de Yeon Sang-ho. C'est un très très bon blockbuster. C'est vraiment un film de zombies comme on n'a pas l'habitude de le voir. Et le point de vue coréen sur le film de zombies, j'adore vraiment. J'ai vraiment accroché au film. Les personnages, j'ai vraiment détesté ce mec en costard. Mais j'avais envie qu'il crève. Mais ça reste un film de zombies. Oui, mais pourtant ça part. Enfin, bon, après. Et ils le font mieux que World War. Il fait ce que World War Z aurait dû être. Hein. Voilà, c'est bien ça. Bien sûr, mais ça reste un film de zombies. Ah oui, mais la démarche du réalisateur. Je te coupe, Axel. La démarche du réalisateur, c'est que c'est un fan des films de zombies. C'est une espèce d'un film hyper référencé. Mais c'est voulu, la trame classique. C'est un genre de Shaun of the Dead, mais qui serait moins marrant. C'est vraiment. Voilà. C'est super référencé, mais. C'est pas marrant. J'ai trouvé le film assez touchant par moments quand même, et vraiment dur. Enfin, c'est le point de vue coréen sur les zombies, donc c'est vraiment bien violent, bien hardcore. Mais ça reste quand même, c'est pas non plus The Strangers, quoi. C'est pas de la violence psychologique. Ah non, c'est plus grand public. Hein. C'est très grand. Voilà, public. C'est grand public, mais en même temps, et puis il y a des plans dans ce film, c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'il est très bien réalisé, le film. Les acteurs sont très bons. Ce que je voulais dire, oui, ça parle pas. Enfin, c'est sûr que ça, au départ, c'est une attaque zombie, mais bon, les films de zombies, c'est principalement ça part toujours d'un postulat assez simple. Oui, mais c'est toujours pour critiquer la société de consommation, etc. Et je trouve qu'on a un point de vue assez original pour le personnage principal qu'on découvre à peu près à la fin du film. C'est plus une critique du rapport à l'autre, je trouve, là. Hein, c'est, Et aussi, comme il est... non, on va pas spoiler le film, mais il a quand même quelque chose à voir avec tout ça. Donc... je trouve que ça critique aussi bien la société que le rapport à l'autre. Alors le rapport à l'autre, il est vraiment très marqué dans ce film. Hein. C'est vraiment et c'est un truc qui me touche énormément. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. On en parlera plus, je suis sûr, plus tard. C'est quasiment sûr, oui. Voilà. ensuite, 12e, l'économie du couple de Joachim Lafosse. Mon gros coup de cœur. De l'été. Merci Morgane encore une fois. Belle. C'est voilà. Qui l'eut cru quand même. Non mais bon, après j'écoute pas la chanson en dehors du film, mais dans le film je la trouve très bien. Donc oui, il y a Bella de. C'est la force du cinéma quand même. De Mister Gims. Maître Gims. tu confonds avec Mister Bean, mais. Non mais. Qu'on puisse se méprendre. Non, j'ai dit Mister Gims justement exprès. Je sais que c'est Mister Gims. Hein, je suis pas non plus, un culte, on va dire. voilà. Donc, l'économie du couple, c'est un magnifique film sur le divorce, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est un film assez dur à voir, je pense. Mais c'est un film qui, en même temps, est très touchant, ça marque. La réalisation est vraiment très très jolie, je trouve. Ce qu'il a réussi à faire. Avec un huis clos, hein, c'est vraiment un huis clos. Et quand on sort enfin de ce huis clos, on pense que l'horreur va finir, mais que finalement c'est encore plus dur. Donc voilà, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché, et qui est vraiment. Enfin, je pense que j'ai d'autres films français après, mais non, j'ai un autre film français, pardon, après, mais celui-là, je pense que c'est un des deux qu'il faut vraiment voir. C'est un des meilleurs films français de cette année en tout cas. Voilà. Et le 11e, c'est Steve Jobs de Danny Boyle. Voilà, je l'ai vu deux fois, une fois au cinéma, une fois plus tard, on va dire. Il m'avait quand même marqué le film, mais pas au point d'être non plus dans les hauteurs du top. Voilà, c'est un très bon film, un très bon biopic avec un point de vue assez original, une réalisation assez originale, un montage assez original, et l'univers, tout ça autour, qui est vraiment bien, bien fait. Enfin voilà, j'ai pas vraiment de critique à faire à ce film, il est très bien, mais ça m'a pas non plus marqué au point d'être dans les hauteurs du top. Voilà. On passe maintenant donc du 10 au 4 de Eddie, top 10 au 4. Alors, top 10 à mon 4. Donc du coup, numéro 10, X-Men Apocalypse de Bryan Singer. Voilà. Voilà. Je suis en train de danser. j'ai beaucoup aimé. C'est sûr, c'est pas Days of Future Past pour moi. Ça va être compliqué de surpasser celui-là à mes yeux. Mais ça reste quand même un bon X-Men. Le bashing autour de ce film est complètement ridicule. Je comprends pas. Moi voilà, j'ai trouvé Apocalypse très bien. C'est sûr qu'on n'y va pas pour prendre un cours d'Égypte antique, ça c'est clair. En même temps, c'est des comics, hein, c'est pas. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, je trouve que voilà, les personnages évoluent vraiment et c'est pas bateau quoi. Moi je trouve pas ça bateau, même s'il y a des trucs qui paraissent gros. Moi je trouve que c'est un excellent, film et c'est un très bon X-Men. Ouais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais pour moi c'est un bon film et qui fait honneur vraiment à la franchise X-Men qui a connu des hauts et des bas certes, mais celui-là c'est certainement pas un bas à mes yeux. Numéro 9, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Donc moi je l'attendais beaucoup. Oui. Ça c'est un secret pour personne. Et j'ai été très touché. Très satisfait. Ça m'a touché, oui aussi. Parce que c'est un film qui s'adresse quand même aux ados et aux jeunes adultes. Moins aux enfants, je trouve quand même. Mais c'est, enfin, en tout cas, ça s'adresse à des tranches d'âge où on est beaucoup dans le jugement. Mmh. Et je trouve que Tim Burton délivre quand même derrière un vrai message de tolérance. Et c'est beau, en fait. C'est ça qui m'a le plus touché. Après, au-delà de ça, j'ai trouvé le film assez divertissant, assez beau. Les personnages sont attachants. Eva Green, je la trouve vraiment très très bien. Et j'ai fini de lire le bouquin et il n'y a pas de grosse différence. C'est sûr que la fin est un peu et plus cohérente dans le ça bouquin. Ça va, t'as réussi à comprendre la fin. C'est ça, la fin est beaucoup plus. Mais en fait, il n'y a pas tous ces bons dans le temps. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, Tim Burton, on sent. En gros, après, bon, parce que du coup, je peux en parler. En gros, on sent bien que Tim Burton a lu le bouquin, qu'il l'a aimé. Mais que ce qui l'intéressait surtout, c'était de développer ces personnages-là, de les mettre en scène. Mais par contre, la fin, il s'est un peu plus lâché. On sent que ça le passionnait un petit peu moins. Et que du coup, il est parti dans un truc un peu plus classique. Ouais. Qui a fonctionné pour moi, mais qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais du coup, je suis curieux de voir ce que pourra donner la suite de Miss Peregrine. Parce qu'il devrait y en avoir une, je pense. Le film n'a pas trop mal marché. Ouais, non, moi, je vais lire les deux autres tomes avec beaucoup de plaisir, parce que je vais me les offre à Noël, donc je vais les lire. c'est vrai que... Non, moi, j'ai été très, très emballé, et voilà, je l'ai mis 9, parce que c'est un film devant lequel j'ai pris pas mal de plaisir, et que j'aurais du plaisir à revoir aussi. Ok. Voilà. Numéro 8, Les Animaux Fantastiques. Ah. Alors oui, ça vous surprend. Alors j'ai non, pas ça, vu le non, film. Ça me déçoit, moi. C'est... Mais j'étais quand même du même avis que toi, Morgan, au départ. Et je suis le premier surpris. Je pensais pas du tout aimer Les Animaux Fantastiques. Pour moi, c'était un projet devant Miss Peregrine. Ouais. Devant Boussane surtout. Ah oui, mais de toute façon, Boussane n'y est pas. Donc. Rapid job, même. Mais en fait, oui, voilà, c'était un projet que je trouvais un peu opportuniste. Je trouvais, enfin, c'était vraiment c'était écrit pour être au cinéma et c'était pas une adaptation au départ. Et c'est vrai que ça me. Voilà, la démarche me plaisait pas. Et finalement, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un truc qui fonctionnait bien et que c'était un bon retour aux sources. Moi, j'ai été assez emballé quand même, et je suis content de voir qu'un univers comme Harry Potter, qui est déjà assez vaste, eh ben, peut encore s'étendre et trouver quand même certaines choses originales. Et c'est vrai que j'ai vraiment été très surpris. Je pense que parmi mes grosses surprises de l'année, celui-là, il est dedans, j'en en reparlera. Mais voilà, moi, j'ai vraiment passé un bon moment, même Eddie Redmayne, dont je ne suis pas fan. Oui. Je l'ai trouvé plutôt bon, et j'ai trouvé que finalement, son jeu un peu particulier collait assez bien à ce personnage-là. Voilà, moi, c'est une très bonne surprise. Donc, je l'ai mis 8, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment, et j'ai vraiment envie de le revoir, donc 8e. D'accord. Numéro 7, c'est A4 hein, qu'il faut que je m'arrête, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Rogue One, numéro 7, Rogue One Star Wars Story, de Gareth Edwards. Gareth Edwards qui avait fait le Godzilla que j'avais pas détesté, j'avais même plutôt apprécié, mais voilà, c'était pas un film que j'avais énormément retenu. Par contre, Rogue One, j'ai vraiment bien aimé, et là, je vais essayer de ne pas trop en dire, parce qu'Axel, tu n'as toujours pas vu le film. Oui, je n'ai pas vu. Pour moi, voilà, c'est... Alors, pour moi déjà, je pense que c'est tout Star Wars confondu, hein, je pense que c'est le plus impressionnant en termes de technique. D'accord. Que ce soit visuellement, au niveau de l'action, il y a vraiment des trucs. Et en fait, ce qui est super, c'est que à la fois, on sait que c'est pas un Star Wars, c'est pas un épisode de Star Wars, mais c'est vraiment dans l'univers Star Wars quand même, et ça s'en détache complètement. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Mm-hmm. C'est quand même, c'est vrai que on lit un peu partout que c'est très proche du film de guerre, mais c'est que c'est carrément un film de guerre pour moi. Et voilà. Après, c'est vrai que les personnages, il y en a un petit peu trop, donc du coup, c'est pas évident de tous les approfondir en 2 heures. Malgré tout, le film reste très cohérent. On n'en apprend pas forcément plus sur l'univers de Star Wars, mais c'est un segment qui est pas si anecdotique que ça, finalement, dans toute la grande mythologie Star Wars. Et ça reste en tout cas un excellent divertissement, un très bon film d'action, un bon film de guerre de SF, finalement, ce qui est quand même assez rare. Il n'y en a pas eu. Starship Trooper, c'est Starship Trooper, ouais, mais je veux dire, autant les films de guerre bien réels, issus de vrais événements, il y en a pas mal. Ouais. des films de guerre imaginés de toutes pièces, il n'y en a pas énormément. Bah ouais, je dirais Le Retour du Roi et Les Deux Tours, mais bon. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, voilà, moi je ne m'attendais pas à voir ça dans un Star Wars. Mmh. Et il y a énormément de trucs cool, quoi. Enfin, ça utilise, en fait, ça utilise tous les. Ce qui est génial, c'est que ça se détache vraiment de Star Wars et en même temps, ça sait reprendre tous les meilleurs éléments qui font Star Wars pour les mettre dans un film qui a une vraie cohérence, une vraie logique. Donc voilà, moi j'ai pris un sacré pied devant ce film et du coup je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Ok. Numéro 6, Kubo et l'armure magique de Travis Knight. Oui. Ah oui. Ouais. Donc voilà, bah, pareil, grosse surprise. Moi je ne l'attendais pas énormément. C'est vrai que j'ai été un peu convaincu par tout le monde et j'ai bien fait d'aller le voir en salle. J'ai été agréablement surpris. Visuellement, j'ai trouvé ça assez formidable et au niveau des thématiques, pareil, il y a vraiment quelque chose. Moi, ça m'a profondément ému et voilà, je le mets 7e dans mon top. C'est un film que je conseille vraiment à tout le monde, peut-être pas aux enfants parce qu'ils risquent un peu de s'ennuyer, mais c'est en tout cas vraiment un très beau film d'animation en stop motion et ça vaut le détour, quoi. C'est pas juste pour le travail que ça représente derrière, parce qu'on le sent bien sur chaque image que ça nécessite des heures et des heures de boulot, mais au-delà de ça, je trouve que le film est vraiment bon dans ce qu'il raconte. Peut-être pas toujours très abordable, mais après, voilà, on peut tellement s'en faire une interprétation très personnelle et belle que bah, moi ça m'a beaucoup ému, donc je l'ai mis 6e. Ouais. Numéro 5, Spotlight de Thomas McCarthy. Ouais. Bah voilà, bah alors là, bon, c'est typiquement le film qui est fait pour les Oscars, hein, faut pas se mentir, mais ça reste quand même un film habile sur un sujet compliqué, et je trouve que voilà, c'est... En fait, bah, je me rends compte que ma phrase d'avant résumait assez bien ce que je pense. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très juste, que ça soit autant au niveau de l'écriture où on tombe pas dans le sentimentalisme ou dans le truc un peu mièvre, c'est souvent ce qui pêche un peu avec ces sujets-là, mais c'est aussi très juste au niveau des interprétations, je trouve. Les acteurs sont très bons, mais tous confondus, et pourtant il y en a pas mal, c'est vrai que ça soit Michael Keaton, Rachel McAdams ou Mark Ruffalo, bah, ils ont tous leur place et ils ont tous leur moment à eux, et ils forment vraiment une équipe de défenseurs, quoi, de toutes ces victimes d'actes comme ça. Et c'est vrai que c'est pas que le film est émouvant, c'est que le film est réaliste et juste, quoi. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu. D'accord. Voilà. Et le quatrième? Et le quatrième, faut que je le dise aussi. Oui. Room de Lenny Abrahamson. Bah donc là, pareil, bonne surprise. Moi, j'avais peur que ça soit... Bah, comme l'a dit Morgane, hein, j'avais peur que ça soit le truc... hyper attendu, académique et compagnie, et alors que, enfin, à mes yeux, c'est un film magnifique sur la maternité, et c'est très très riche en symboles, et ça m'a énormément plu. Il y a ce qui est génial, c'est j'avais jamais vu ça au cinéma, en fait. On assiste à la naissance d'un enfant, mais pas à la naissance classique, quoi. C'est vraiment son éveil à la vie, en fait. Toute la période où il est avec sa maman retenue, séquestré dans cette chambre, pour moi c'est vraiment le bébé à l'intérieur du ventre de sa maman, et c'est vrai qu'il y a et ça c'est un gros symbole dans le film. C'est vrai que ça peut paraître un peu simple comme ça, mais ça sert tellement, en fait, l'histoire qu'il y a derrière, que du coup moi ça m'a vraiment ému, et c'est un très beau film que je conseille à tout le monde. Sortez les mouchoirs, par contre, parce que c'est assez émouvant. C'est émouvant, mais c'est pas chiant, c'est pas creux, voilà, c'est de la belle émotion. Et c'est assez rare dans les films hollywoodiens qui sont quand même très formatés d'habitude. Voilà, Room, vraiment, c'était une très bonne surprise. Ok, nickel. Eh ben, on va passer à Morgane. Oui, passons à Morgane. numéro 10, X-Men Apocalypse, Remedy. Voilà. Je vais quand même dire un truc. On s'est pas concerté avant, mais mon 10e, c'est aussi X-Men. Hein, donc, bah voilà. Bon, voilà. Donc, non, mais, j'ai envie de défendre ce film parce que, quand même, mais je suis obligé de. Bon, vas-y, on le défend à deux parce que, de toute façon. Subjectivement, je suis obligé de dire le fameux mot subjectivement pour un peu ne pas me faire trop taper dessus. C'est pas que pour Ty Sheridan. Non, pas du tout. Mais non, parce que déjà, j'adore la franchise X-Men. Hein, la nouvelle trilogie, je l'adore. C'est évidemment, entre guillemets, moins bon que Days of the. Day of the Future Past, mais c'est normal, comme bah, on en avait parlé. Objectivement, voilà, c'est pour ça que c'est important de dire qu'on fait pas des tops objectifs, parce que objectivement, oui, c'est sûr, c'est moins bon. C'est peut-être moins ambitieux et tout, mais ça reste quand même un excellent film. Par rapport aux autres productions, c'est ça. Super. Et, et même par rapport à tout ce qu'on a vu cette année dans le genre, que ce soit Civil War, que ce soit Deadpool, que ce soit Suicide Squad, je trouve que X-Men Apocalypse est le plus généreux. Et le plus touchant au final, parce que c'est vrai que moi j'aime la générosité de Bryan Singer sur ses personnages. En plus, il en a introduit des nouveaux qui sont. Bah oui, oui. Qui sont puis il les aime, ces personnages. Il les aime, et moi aussi je les aime beaucoup, ces personnages. Non, mais c'est vrai que c'est important, un réalisateur qui aime ses personnages. Non, parce que des fois, c'est pas le cas, et ça se sent. Oui, et il y a cette générosité, la façon de terminer cette trilogie, cette nouvelle histoire que Matthew Vaughn nous a racontée, j'ai trouvé ça logique, cohérent, émouvant. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'est un blockbuster pour moi. Tout ce qu'il y a de plus divertissant et généreux. J'ai adoré et je n'ai pas compris pourquoi ce film s'est fait autant descendre. Ouais, non, moi j'ai pas compris non plus. Je vois pas où est-ce qu'on pouvait le descendre. Peut-être le costume il est un peu cheap, mais en même temps c'est l'univers donc tu peux pas. J'ai même pas trouvé Apocalypse. Mais c'est les. Non, non. En même temps, c'est les critiques qu'on voit le plus souvent, donc du coup on est. Oui. Mais je pense que le problème avec ce film là, c'est qu'il avait le comparatif avec le précédent. Et forcément, si tu te bases sur ça, c'est un peu moins bon. Mais j'ai même envie de dire, je les mets peut-être pas tous au même niveau, mais je les aime autant les trois. Ouais, pareil. Ouais. Je les aime vraiment les trois, parce que j'aime les personnages, j'aime leur évolution. Je trouve que la façon dont ils nous a présenté, dont ils ont évolué, dont ils ont terminé ici, pour moi, en termes de narration, cette nouvelle trilogie, elle est géniale. Je la trouve parfaite. Après, est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a peut-être quelque chose d'affectif. Moi, je sais que... Bon, c'est vrai, je dis souvent que j'ai grandi avec Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai aussi grandi avec X-Men, finalement. Moi, pas du tout, justement. Quand ils sont sortis, c'est vrai que... Ouais. Ça a traversé toute mon adolescence jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté-là aussi, inconsciemment, mais c'est vrai que moi, c'est des personnages qui me touchent, quoi, le message d'X-Men de toute façon est touchant et c'est vrai que ces personnages là c'est un peu c'est une équipe qu'on aime retrouver aussi. Tu vois, moi j'ai aussi grandi avec X-Men, mais j'ai surtout grandi avec Spider-Man et en fait tu vois si Spider-Man avait eu le même traitement dans son reboot entre guillemets que X-Men a eu, eh ben, je pense qu'on ne serait pas en ce moment en train d'attendre un Spider-Man Homecoming. En même temps, moi je suis vraiment content d'avoir ces films de X-Men qui sont vraiment très bons, qui sont travaillés, qui sont. La dynamique entre tous les personnages est travaillée, ça évolue, c'est comme une série télé. C'est vraiment comme une série télé. Voilà. On suit des personnages auxquels on s'attache et on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver. Et je trouve qu'ils ont réussi. Ils ont réussi quelque chose. Y compris les nouveaux. Enfin, le nouveau casting est très bon. Sophie Turner est géniale en Jean Grey. Tout le monde trouve sa place. Ouais. Sophie Turner, Ty Sheridan. Et pourtant, ils sont là que un film. Oui. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est que tu peux te dire, ça pourrait. Ils sont là parce qu'il faut bien des versions plus jeunes. Mais c'est pas juste des versions plus jeunes, c'est des vrais personnages. Ils sont pas factices par rapport à leurs prédécesseurs. Ouais. Exactement. Voilà, puis bon. Et puis je vais le dire, Michael Fassbender et Ty Sheridan dans un même film. Voilà, forcément. C'est obligé. Bah, évidemment. Voilà, c'est bon. Hein. Manquait plus que Kristen Stewart dans un rôle et là. Dans le prochain X-Men, si Kristen Stewart joue Jean Grey à la place de Sophie Turner, j'attends. J'adore les personnages, j'adore les acteurs. J'ai pas compris les mauvais retours sur le film. Non, mais il y a du bashing injuste, bien trop souvent, malheureusement. Et à contrario, on encense des films qui n'ont pas besoin du tout. Oui, voilà, c'est ça. Parce que si on veut reparler de enfin là, il y a quand même un écart entre X-Men Apocalypse et Deadpool. Oui, voilà. Non, mais Deadpool, on va bien retourner le couteau dans la plaie, mais à mes yeux, X-Men Apocalypse. Je pense qu'on va bien le retourner plus tard. X-Men enfonce complètement Deadpool, vraiment. Là, c'est l'incompréhension cette année. D'ailleurs, c'est peut-être la grosse incompréhension de cette année. C'est comment un film comme Deadpool, qui manque vraiment d'ambition et qui est finalement beaucoup plus balisé que ce X-Men, arrive à avoir une telle cote de popularité simplement parce que son personnage est cool et parce qu'il dit des gros mots. Ouais. C'est ça. Désolé, mais c'est quand même très très mince quoi. Enfin, ils ne reviennent pas. ce que j'adore aussi, c'est qu'on est tous les... Mais c'est fou parce que, genre, il y a beaucoup de monde qui sont en désaccord avec ce qu'on dit, mais on est tous les trois d'accord sur ça. Et enfin, c'est quand même assez fou, je trouve. Mais non, mais c'est vrai, je comprends pas non plus pourquoi Deadpool est aussi encensé. C'est voilà. Alors, et là, si on veut être objectif, cinématographiquement, Deadpool est quand même. C'est l'air. C'est là, voilà. Là, de manière objective, sincère et honnête, Deadpool, c'est inférieur. C'est moche, Deadpool. Oui. Visuellement, c'est moche déjà. Des lumières, c'est à gerber. C'est. La mise en scène, c'est nul à chier. Enfin, c'est voilà. Mais vraiment. Donc, c'est vrai que. Voilà, bah bon, la grosse incompréhension de l'année, quoi. Hein. Mais vraiment. Hein. Oui, mais c'est comme dans les comics, tu comprends, c'est fidèle. Ouais, mais oui, mais non, un mais bon même comics pas, ne fait plus. Pas un bon film. Hein, en plus. Mais bon, voilà, quoi. Bon, 9e, du coup. Passons au 9e. Oui, voilà, ouais, vas-y. 9e position, L, de Paul Verhoeven. Parce que je suis un gauchiste Télérama. J'aurais tellement voulu voir ce film. Je suis un gauchiste Télérama. Non, parce que c'est Isabelle Huppert, tout simplement, dans un rôle taillé sur mesure pour elle. Dans un film taillé, extrême. Je voulais la faire, mais non. dans un film qui est à la fois choquant, dérangeant, pervers et drôle. Vous avez eu les trois adjectifs qui font que Morgan aime bien un film: choquant, pervers et dérangeant. Oui, voilà, là c'est le trio gagnant. Ce que j'ai aimé avec ce film, c'est la façon dont Paul Verhoeven tourne en dérision le cinéma français et les codes même du cinéma français, parce que lui qui est il est pas du coin, quoi. Donc non. Il ironise et c'est un film très sarcastique en même temps très sérieux. Un portrait de femme magistral joué magistralement par Isabelle Huppert qui donc sera nominée à coup sûr aux Oscars. En tout cas, elle est nominée pour les Golden Globes et j'espère qu'elle l'aura. Et j'espère qu'elle aura l'Oscar. Mais le mérite, c'est vraiment. En général, ceux qui sont nommés aux Golden Globes sont aussi nommés aux Oscars. Voilà. Et j'espère qu'elle l'aura parce qu'elle est magnifique dans ce film. C'est avec un scénario très habile et une ambiance particulière. C'est comme je dis, je passais un petit peu du rire très très jaune. Je riais jaune et il y a des scènes aussi très dérangeantes. Et magnifique film à voir. Ouais, alors oui, ce n'est pas Starship Trooper, on le sait. Enfin, elle, c'est pas la même ambition que Starship Trooper. Oui, mais on y reproche. C'est Paul Verhoeven. Si c'est pas un truc autre que de la SF et des machins, c'est pas bon. Mais oui, parce que on fait payer. Alors, mais non, parce qu'il y en a un réalisateur ne doit faire que la même chose tout le temps. Sinon, c'est pas normal. Ils ont pas vu La Chair et le Sang, un de ses premiers films qui était pas du tout de science-fiction. Enfin voilà, il a fait plein d'autres choses que ça. Hein. C'est pas. Oui, mais comme il a été un peu snobé par Hollywood et que maintenant elle a fait qu'il a eu, on va dire, les louanges de la presse. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on reproche à ce film d'avoir plu, alors qu'on reprochait à Paul Verhoeven d'être snobé. Donc là, faut qu'on explique un peu la logique. C'est quoi cool, reprocher à un film d'être bon quand même, hein. Ouais. Bah oui, le film il est aimé, putain, c'est suspect. Bah oui, forcément, c'est un film d'auteur français. Donc oui, et quand je parlais de Télérama, forcément, c'est un film un peu pour eux, c'est vrai. Mais ça va au-delà de ça. C'est pas qu'un exercice de style. Ça va beaucoup plus loin. Et j'ai même envie de dire, ça se fout un peu de la gueule justement de cette presse un peu gauchiste. C'est un film très plus pervers qu'il en a l'air, et c'est ça qui m'aime. Ouais, et moi, c'est un des grands films que je regrette de ne pas avoir vu avant ouais. Top. Et je dois dire que parce que c'est quand même un dénouement d'une histoire de viol, c'est qui a violé Isabelle Huppert dans le film. Et je dois avouer que le fameux coupable, je l'ai pas vu venir. D'accord, voilà. Okay. Voilà, mais tais-toi maintenant. Oui, voilà, merci. Non, mais ne spoile pas. Je veux le voir juste demain et. Non, je spoile pas, mais même en termes de scénario, ça marche. Ok. Mais tout le monde n'est pas de mon avis. Alors, numéro 8, Mademoiselle. Seulement, oui, mais j'étais obligé de faire mes choix. Mademoiselle de Parchemin. Ah oui, mais finalement, ton top est beaucoup plus surprenant que ce qu'on pensait. Ah, mais oui, vous allez voir. là aussi, hein, portrait de femme magistrale dans un film magistral réalisé par un réalisateur magistral. Oh, c'est. C'est la grande surprise de la fin d'année. Enfin, c'est le cadeau de fin d'année. Le cadeau de fin d'année et l'injustice aussi, parce que le film n'a pas eu un prix à Cannes. C'est incompréhensible. Il aurait pu avoir la Palme d'Or largement, le prix de la mise en scène aussi, le prix du scénario, même le prix du montage, le prix de tout ce que tu veux. Il aurait pu avoir tout. Ouais. Mais que 8e. Il est que 8e parce que j'ai dû faire des choix. D'accord. Que c'est pas celui que j'ai envie de revoir par rapport aux autres. C'est ça aussi que je tiens en compte. Parce qu'il y a des films que j'adore, mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir. C'est un film très lourd, vraiment très lourd, ouais, et qui mais... est très dur à digérer, ouais. Mais qui a été un choc esthétique, et même en termes de narration, qui est un des mieux écrits que j'ai vu cette année. Là aussi, on joue aussi sur les points de vue. Donc, les twists et tout ça, mais c'est... voilà, c'est des twists à répétition, qui sont très bien amenés, c'est pas lourd, c'est pas de l'artifice. Et mais moi, c'est justement pour ça que je veux le revoir, parce que maintenant que je connais la fin, tu vois, et je veux voir les petits détails qu'il a rajoutés. Voilà, les petits détails. Et moi, c'est le sentiment que j'avais eu devant ce film, parce que quand on nous, là aussi, comme on joue sur les points de vue, et qu'en gros, ce qu'on voyait 5 minutes avant, on pensait l'avoir compris comme ça, puis 5 minutes après, on te dit que, en fait, on t'a un petit peu expliqué, que voilà, et je me suis dit, j'ai envie de repartir en arrière pour. Oui, c'est ça. Parce que c'est un ballet de manipulation. Là aussi un peu de perversité quand même avec et un peu un brin sulfureux et un grand film féministe aussi, et ça me fait plaisir quand je dis que les femmes ont bien été représentées cette année. Bah Mademoiselle, c'est un peu le film somme de ce qu'on peut faire de mieux avec des actrices à l'écran. Voilà. Vas-y. Numéro 7, Une vie entre deux océans de Derek Isian France. Oui, parce que bah surprenant non, parce que ça a été là aussi c'est un gros coup de cœur inattendu, parce que un film qui s'appelle Une vie entre deux océans, avec quand je vois l'affiche, même si j'adore Michael Fassbender et Alicia Vikander, c'est vrai, c'est ce que tu m'avais fait lire dans le dernier podcast. Voilà, ça sentait le mélo, les gros violons, et en fait c'est pour moi le film dramatique par excellence. Effectivement il y a de l'émotion, mais c'est jamais too much. C'est très viscéral, j'ai vécu le film personnellement, et même par rapport à ma vie personnelle, il y a des trucs qui m'ont un peu, enfin qui m'ont vraiment touché. Et aussi les acteurs, cette alchimie entre Alicia Vikander et Michael Fassbender, qui prouve voilà que c'est un des acteurs les plus forts de l'année, même si voilà. et en termes de scénario, c'est deux parties là aussi bien distinctes qui se répondent très bien, des acteurs merveilleux, et surtout le retour de Rachel Weisz. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de la revoir, parce que quand on voit le film, on se dit mais quelle actrice quand même. Ah mais elle Rachel est Weisz. Elle est tellement magistrale, je l'adore. C'est un mot que j'utilisais souvent, hein, magistrale. Ouais. Donc c'est un drame bouleversant qui m'a déchiré le cœur. C'est voilà, un drame magistral. Un drame magistral qui m'a déchiré le cœur de façon très magistrale. Voilà. Numéro 6, quand on a 17 ans. Magistral aussi. Avec une actrice magistrale. Là magistral. Là j'approuve à 2000%. Ouais, c'est magistralement magistral même. Voilà. Je suis content que tu l'aies aimé. Donc c'est André Téchiné, c'est ça. Et voilà. C'est grâce à toi, hein, Morgan. Pour une fois, ça arrive. Pour une fois. Et il donne pas que des mauvais conseils, hein. Non, ça lui arrive. J'en donne aussi des bons. Voilà. Quand la haine laisse place à l'amour et au désir, bah voilà, c'est un petit monument de sobriété, de d'émotion, de délicatesse, avec un petit peu aussi là de sensualité. Enfin, c'est un film très sensoriel finalement, porté par des acteurs magistraux. À commencer par Sandrine Kiberlin, qui est peut-être une des une des meilleures actrices du moment. Elle est à l'aise partout, aussi bien dans les comédies, encore heureux. Je voulais le voir, mais il a déconné, celui que j'avais. Heureux, il est très bien. Elle est très bien dans le film, Et elle, voilà, là, dans un drame beaucoup plus intimiste sur la recherche et la confusion des sentiments, je trouve que c'est un film qui est très vrai finalement. Je me suis dit, tiens, c'est la complexité chez l'adolescence aujourd'hui, c'est un peu ça. Le trouble sexuel chez l'adolescent, je préfère ça à la vie d'Adèle par exemple, que je trouve beaucoup plus émouvant et plus incarné, on va dire. Numéro 5, Premier contact de Denis Villeneuve. Désolé Axel, je sais que tu l'as non, pas mais... vu. Bah oui, non, non mais c'est... je sais que tu l'as pas vu. C'est un de mes grands désespoirs de cette année. Il est cinquième, c'est que forcément c'est bien. Oui, non mais je sais, j'adore l'histoire de base donc. Oui, c'est bien. Et même quand on n'a pas aimé Sicario, je pense que ce film-là peut passer. Ça n'a rien à voir avec Sicario. Ah oui, non mais moi c'est pareil. J'ai pas vu Sicario, mais je veux dire, Ennemi m'avait chié, clairement. Mais Prisoner, je suis assez curieux de le voir. Prisoner était magnifique. Prisoner était très bien. Ouais. Et là, en fait, j'ai eu un rapport particulier avec ce film. Je vous ai expliqué vite fait. J'ai dû le revoir une deuxième fois. T'avais été incertain un peu, non? Il y avait des parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que cette absence de grand spectacle, cette absence de... Parce que c'est de la SF très pure. Oui, bah, c'est du dialogue. C'est du dialogue, mais moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit peu plus, vous savez, à la manière d'un District 9 par exemple. Ouais, et en fait, où ça commence à péter au bout d'un moment, c'est ça. Voilà, ouais. C'est poseur de la première à la dernière minute, et c'est ça qui me plaît. C'est un peu plus à la 2001, quoi, mais avec moins de grandiose. Voilà, ouais. Voilà, oui, oui, voilà, ouais. Oui, je préfère évidemment 2001, mais je l'ai vu cette année pour la première fois. Ouais, mais c'est une bonne année. Une année magistrale. Une année magistrale, voilà, et Amy Adams, c'est magistrale. Ce qui m'a beaucoup touché dans le film, c'est vraiment cette idée que Denis Villeneuve s'intéresse beaucoup à la famille. Ça, c'est un thème qui est très récurrent dans ses films. Oui. Oui. Là, même dans Ennemi, hein. Même dans Ennemi, ouais, tout à fait. Ouais. Et là, c'est le thème central d'Ennemi. La résultante de tout son cinéma. Et à côté de ça, on a un film qui techniquement est juste incroyable. Il est d'une beauté, ce film, et d'une richesse. Et ça fait du bien de voir de l'ASF qui c'est pas un reproche, mais c'est pas de l'ASF Star Wars, c'est de l'ASF très posé. Mais il en faut. Voilà. Ça manque. Ça manque. C'est surtout bien de montrer. J'ai pas vu. C'est vrai que par rapport à la démarche que tu évoques, c'est surtout bien de montrer que l'ASF ne se résume pas qu'à Star Wars justement. Voilà. Tout à fait. Ça manque vu que maintenant Star Trek c'est devenu plus piou-piou à la Star Wars. L'intellectualisme dans la science-fiction c'est un peu un des principes de base du truc au niveau littérature et tout ça, même au niveau filmique. Hein, et ben voilà, je pense l'ASF, que l'ASF c'est pas que de l'efficacité finalement. C'est ça. Voilà. Et ça peut être des petits films sans budget. Après il y avait quand même Spielberg qui était capable de montrer ça aussi. Oui, parce que quand tu regardes, c'est pas Rencontre du troisième type. C'est à peu près. Les films se rejoignent un petit peu. Mais AI. Ouais. Qui est pas un film que j'apprécie plus que ça de Spielberg, mais c'est vrai que ça reste quand même de la SF posée et très. Oui. Ça vient sûrement du matériau d'origine de Stanley Kubrick. Oui. Mais là, sur Premier Contact, si je devais le comparer à un film, ce serait plutôt Interstellar. Le côté famille, oui, justement. Ouais. Bon, le Interstellar est plus accessible malgré sa durée. Ouais. Mais là, ça reste impressionnant quand même. Premier Contact, en fait, il est terrassant de beauté et d'émotion. Et Amy Adams, là aussi, nommée aux Golden Globes et probablement aux Oscars. Quelle actrice aussi. On l'oublie souvent, mais c'est quand même une actrice Elle était aussi dans Batman. Oui, enfin bon. Ouf, bon, c'est vrai que. disons que voilà, on lui donne des rôles. C'est un peu relou, hein. C'est un rôle important, un rôle très fort. Vraiment la cruche qu'il faut sauver, quoi. Tout à fait. Alors que là, c'est plutôt elle qui veut sauver un peu l'humanité. C'est ça. Et voilà, sur un film sur la beauté de la langue, sur la communication, sur le. C'est ça qui m'intrigue surtout. La tolérance aussi, notre rapport à l'étranger, comment on voit et surtout par rapport aux élections américaines récentes, on se dit que c'est bien de voir ce film-là, par exemple, parce que, voilà, à l'heure où tout n'est que haine dans le monde, faut dire les choses, ça fait du bien de voir quelque chose. Je sais pas si je peux dire optimiste en trop en spoiler, mais en tout cas, c'est un film qui donne de l'espoir et c'est beau. C'est un film qui est beau et il m'a encore marqué. Je m'en souviens encore, et magnifique séance. Et juste rapidement, si comme moi vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, puisqu'il passait pas chez vous, bien sûr. Moi, c'est le cas. Oui, je vous conseille énormément la nouvelle qui a inspiré le film, qui est traduite en français. J'avais dit la dernière fois qu'elle était qu'en anglais, mais j'ai vu qu'elle était traduite en français. Donc du coup, jetez-vous dessus. C'est 38 pages et c'est génial. Voilà. Point. Vas-y, continue. Numéro 4. Dernier train pour Busan. Quatrième. Vous attendiez à ce qu'il soit premier ou deux ou trois. Eh bien non. Eh bien voilà. Non, parce que voilà, je l'ai revu là en Blu-ray. Ouais. Effectivement, c'est vrai que bon, c'est un film. Pour moi, c'est un classique instantané. Ce film, c'est la preuve encore une fois que les Coréens. Bah là, hein, je peux faire un bilan. The Stranger, Mademoiselle et Dernier Train pour Busan. 2016, c'est l'année du cinéma sud-coréen. Même au niveau des blockbusters, qui est à la base un genre. Et il y a eu des plus petits films aussi au niveau coréen. C'est ça, c'est une année très globale en fait chez eux, il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de tout, voilà, mais surtout les genres, ils gagnent à peu près sur tous les tableaux, et là pour le coup, le genre du... C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a un peu de tout, ils ont fait tous les meilleurs films dans les meilleurs genres. Quoi. Ouais, et voilà, y compris les blockbusters. Normalement, les blockbusters, c'est les Américains qui dominent, mais là non. Alors effectivement, c'est pas original. Comme je l'avais dit, c'est un film qui est réalisé par un type dont dont sa passion, ce sont les films de zombies. Il avait voulu rendre hommage à tout ça. Donc, voilà, The Walking Dead, les films de Romero, la critique sociale, toutes les choses assez attendues dans le genre, mais c'est des codes qui sont magnifiquement utilisés dans un film avec un rythme incessant. Par un moment, j'avais Mais moi j'ai halluciné parce que quand je l'ai regardé, eh ben y a un moment où je suis parti, j'ai oublié de faire autre chose et j'ai mis pause et je me suis rendu compte qu'on était, j'étais qu'à 27 minutes, je crois, du film. Et je me suis dit, putain, c'est déjà passé tout ça, mais qu'est-ce... il me reste quasiment une heure, enfin une bonne heure derrière, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Et mais surtout quand, c'est impressionnant. Quand il reste 20 minutes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces 20 minutes? Ils vont. C'est une espèce de surenchère, en fait. Alors, ça, on y reproche, on a beaucoup qui y reprochent, cette fin, un petit peu avec cet effet de masse, et une scène d'émotion qui ne fait pas l'unanimité, qui moi j'ai trouvé magnifique. Ah bon? Franchement. J'ai aimé. Non. J'ai trouvé la fin du film assez parfaite quand même. Bah oui, mais moi aussi. Et pourtant, j'ai pas non plus une hype folle autour de ce film, mais. Ouais, mais franchement, moi je l'ai trouvé très très bien, franchement. Enfin, je vois pas où est-ce que tu peux lui reprocher sa fin. Alors, sans. On va parler à deux mots, c'est une des dernières scènes d'émotion de fin, il y en a qui disent que c'est un peu ridicule. Mais sérieusement? Mais... Ah, il y en a, ils disent qu'il fallait pas montrer ça comme ça. D'accord. Bon. La scène dans la cabine, quoi. Ouais. Franchement, je vois pas. Enfin, franchement, j'arrive pas à comprendre. Mais bon. Continue. Voilà. Continue, et l'alliance, pour moi, parfaite entre le grand spectacle, l'émotion et le grand frisson. Hein, je l'ai vu 5 fois au cinéma et c'est vrai que. Est-ce que tu l'as vu 5 fois 5 fois, ouais. J'ai été cueilli à chaque fois parce que. C'est généreux, c'est pas transcendantal, c'est pas le film ultime, quoique, parce que en termes de film de zombies, j'ai pas vu un film de zombies aussi maîtrisé depuis un moment. Et qui est pourtant très ancré dans les zombies actuels, parce que c'est quand même des. Bon, c'est vrai que c'est des infectés. Dans The Walking Dead, ils sont lents. Ils sont lents, ils courent pas, et c'est vrai qu'ils sont quand même plus dans l'idée de manger des cerveaux et tout. Mais c'est vrai que ça reprend justement un peu ce qu'on avait vu dans World War Z ou 28 jours plus tard ou même dans les Resident Evil. C'est des zombies qui courent et qui sont pas juste là pour se bouffer entre eux. Ils sont là pour répandre un virus. Voilà, et les personnages très bien façonnés, tous identifiables. Alors effectivement, on a le salaud, on a le courageux. Ah bah oui, par contre ça c'est très caricatural. Très caricatural, ça marche, ce sont des archétypes qui marchent dans le genre. Voilà. Et je sais pas comment ils ont fait, voilà, ils sont venus avec. Parce que dans un film américain, peut-être ça aurait été des reproches, ou alors ça aurait été. Oui, mais justement, moi justement, j'ai pas envie. Enfin, j'ai trouvé ça très bien en fait. C'est pas le problème, mais c'est que en y réfléchissant. Parce que quand je suis sorti du film, j'étais très satisfait, je trouvais ça très bien et tout. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, oui, d'accord, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Ça aurait été dans un film américain, on l'aurait démonté. Je vois pas pourquoi, parce que c'est un film coréen qu'il faut absolument... c'est un film coréen qui fait la même chose que les Américains, qui le fait très bien, et qui le fait avec une certaine originalité, mais ça reprend quand même les grandes lignes. C'est pour ça que moi, je l'ai pas mis dans mon top et que j'ai pas mis une note à... J'ai mis une bonne note, j'ai mis 7 sur 10, c'est pas mauvais, mais... C'est pour ça que j'ai mis 5 sur 5 avec des cœurs. Moi. C'est pour ça que je l'ai pas encensé plus que ça, parce que je me dis, mais si je le compare à d'autres films qui sont pas sud-coréens, asiatiques en général, ça reste quand même assez proche de tout ce qu'on voit. C'est sûr qu'il y a un traitement intéressant du rapport à l'autre et de la paternité et tout ça, mais je trouve que dans les grandes lignes, c'est quand même très proche, et du coup, c'est ce qui pour moi fait que c'est pas non plus le film de zombies ultime. Mais ça reste un excellent film de zombies et un excellent blockbuster. Sur le coup, est-ce que les Américains auraient eu cette dynamique en termes de rythme? Je suis pas sûr, parce que Par contre, ça c'est sûr. Faire ça, War Z, il y avait des scènes impressionnantes, mais... World War Z, c'est vrai que le film est moyen. Alors les scènes de masse sont quand même assez dingues. Ouais, mais sur deux heures, tout l'assaut de Jérusalem, c'est quand même assez impressionnant, je trouve, dans World War Z. Mais tu vois, c'est un film qui essaye de faire un truc global, World War Z, je parle, mais qui se concentre toujours sur sa star, ses Brad Pitt, il faut absolument le filmer, machin. Alors que là, c'est plus humain. Alors même si l'acteur qui s'appelle Gung-Woo est une superstar là-bas. Mais c'est ça. Et même le jeune qui s'appelle Chun Wook-sik qui joue le gars dans le baseball. Lui d'ailleurs. Le mec avec sa Lucille. Exactement. Et c'est mon chouchou dans le film, étrangement, voilà. Et ce sont en fait c'est un blockbuster. Ah mais lui ça m'a fait mal au cœur. C'est que des superstars là-bas et c'est un carton monumental. D'ailleurs, il va y avoir un remake américain qui va arriver. Voilà, ouais, voilà. On en a parlé avec Eddie avant de voir le film dans le dernier Parlons Cinéma qu'on a enregistré la semaine dernière. Et on n'était pas super chaud. Hein. Même en n'ayant pas vu le film. Et on n'avait pas vu le film encore. Ouais, voilà. Mais là, en ayant vu le film, je suis encore moins chaud. Ouais, non, mais si, ça sert à rien. Quoi. Ça sert absolument à rien. Ouais. Mais après, si j'aime le film, c'est vraiment pour son rythme et ça. Tant que les Américains n'ont pas fait leur version, on verra, ça se trouve, ça va être très bien. Parce que finalement. Mais c'est sûr que s'ils refont la même chose avec le même rythme et tout, évidemment, ça sera très bien, ça sera du copier-coller. Ça ne servira à rien. Ça servira à rien. Voilà, et c'est tout pour moi. C'est tout pour le. Ok. Vous avez été surpris. C'est vrai, je pensais que tu l'aurais mis plus haut. Ouais. Mais bon, en même temps, 4, c'est pas non plus. Pas très bas non plus. Oui, ouais. Bon, alors moi en 10ème c'est X-Men Apocalypse de Bryan Singer, je l'avais déjà dit. Donc voilà, mais en plus on s'est même pas concerté, c'est assez fou quand même qu'on ait mis tous en 10ème place. C'est le pouvoir de Ty Sheridan qui arrive à rallier. C'est ça. D'accord. Non, voilà. Enfin, franchement, le meilleur de ce qu'on a pu voir en film de super-héros cette année. Moi, j'ai pas vu mieux. Eh oui. J'ai pas vu Civil War, mais bon, voilà. Faut que tu le vois quand même. Oui, oui. Non, c'est sympa. Hein. Mais justement, c'était dans les films que je devais. Vois-le voir, avant d'aller voir Spider-Man. Ouais, c'est mieux. Oui, mais de toute façon, je le verrai pendant ses vacances, donc. Voilà, donc X-Men Apocalypse, vraiment cool, la dynamique des personnages, on s'attache vraiment. Magneto qui est vraiment, enfin, la scène avec Magneto qui reste qui reste gravée dans ma mémoire. Voilà, il y a plein de scènes vraiment marquantes. Ouais, mais de toute façon, Magneto il est nul dans ce film parce qu'il fait des X. il met des poutres devant lui et il fait un X avec. Voilà, quoi. Faut chercher les reproches ou voilà, faut vraiment les chercher, quoi. Et puis tu comprends, la scène de Quicksilver, c'est du copier-coller. Elle est tellement géniale. Elle est géniale et tellement bien. On s'en fout, il y a un bulldog dedans, voilà, donc elle est géniale, la scène. Avec la pizza en plus. Voilà. Ouais. De toute façon, s'il y a de la pizza, c'est un point en plus pour le film. Ouais. Donc voilà, X-Men Apocalypse, vraiment très très bon. Si c'est vous bien, c'est bien un argument de nerd. Voilà, ça. C'est ça. du coup, en 9ème, dans Busan, il y a Burger King. C'est vrai, oui. C'est ça. Donc en 9ème, le dernier film français, cette fois-ci de mon top, mais il y en a quand même eu deux. Du coup, Maloute de Bruno Dumont, film qui m'a vraiment scotché, vraiment surpris. C'est vraiment le type d'univers qui est fait pour moi. C'est bizarre, c'est étrange. T'as oublié de dire qu'il l'avait conseillé. Oui, c'est Morgan qui me l'a conseillé. Mais de toute façon, si Morgan ne me l'avait pas conseillé, je pense pas que je serais allé le voir. Parce que Là, il est content, il jubile derrière son écran. Je suis très heureux pour une fois. Il m'a conseillé deux films qui sont dans mon top. Voilà, c'est vraiment cool. Voilà, Maloute. Moi c'est... aussi. Oui, aussi. Il m'a conseillé deux films qui sont dans mon top. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment le film français comme on n'en fait pas. Et ça c'est fait du bien. Mais vraiment. C'est j'ai pas vu Elle, donc voilà, je peux pas parler de ça. Mais en tout cas, au niveau. Au niveau de l'absurde, du n'importe quoi, c'est vraiment la référence, quoi. Maloute, c'est un bol d'air frais. Et en même temps, c'est complètement barré. Les acteurs qui font n'importe quoi, mais c'est tellement jubilatoire. C'est extraordinaire. Et franchement, Bruno Dumont, c'est un de mes réalisateurs préférés en France actuellement. Puisque du coup, j'ai vu Petit Quinquin, la série qu'il avait fait. Et c'est tout aussi barré. Une série où il découpe des vaches à la tronçonneuse. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment n'importe quoi et c'est excellent, quoi. C'est le type d'univers qui me plaît de base. Donc, c'est parfait. Je vous conseille énormément si vous l'avez toujours pas vu. Faut quand même être prévenu qu'il y a quand même des scènes qui sont. C'est un petit peu choquant quand même. Il faut pas être prude. Mais c'est gore, vraiment... quoi. C'est gore à certains moments, mais c'est aussi beau à certains moments. Enfin, ça passe par toutes les émotions, enfin, il parodie russe, un peu tout, quoi. Ah oui, non, mais Maloute, j'aurais pu le mettre dans mon top, mais il est plutôt dans mes surprises, en fait. Ouais. Que je m'y attendais pas. Honnêtement, c'est le genre de film, ça passe, ça casse. Et moi, les gros délires comme ça, par exemple, Poésie à Sinfim de Jodorowsky. Ah, mais j'aurais voulu le voir celui-là aussi. Honnêtement, autant j'ai adoré La Danza de la Realidad, mais Poésie à Sinfim, j'ai trouvé que c'est poésie permanente, eh ben, ça tournait à vide et ça m'a gonflé. Alors que Malout, même si la fin est sur la fin, bon, t'as envie que ça se termine parce que bon, tu sors de là un peu, voilà. Mais il y a une logique dans tout ça et c'est. Ouais, mais c'est fou. Tu rentres dans l'univers, t'as l'impression que tout est illogique. Mais vu de l'extérieur, mais quand tu rentres dans l'univers, eh ben tout paraît logique, tout est clair, tout est enfin il y a et pas de acteurs. Voilà, les acteurs, c'est sublime quoi, c'est vraiment extraordinaire quoi. Donc voilà pour mon 9e Malout. Maintenant on passe à mon 8e qui est Julieta de Pedro Almodovar. Le premier film d'Almodovar que je voyais, donc c'est peut-être l'effet du premier film d'Almodovar que je voyais qui le place aussi haut dans le top parce que peut-être qu'il n'est pas par rapport à sa filmographie, il n'est pas aussi bien que les autres, mais voilà, c'était le premier film que j'ai vu de Pedro Almodovar et j'ai vraiment apprécié cette histoire de recherche d'identité de fille, etc. L'histoire de famille, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Et les actrices dans ce film sont splendides, elles rayonnent, tout autant qu'elles sont, c'est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Et puis les décors aussi qui sont splendides, hein, l'Espagne. Bah, toujours, chez Almodovar. Les couleurs. Ouais, les couleurs qui pèdent vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. C'est vrai que c'est pas celui que je retiens le plus, moi, de Almodovar. Oui, mais c'est justement pour ça que je disais, c'est peut-être l'effet premier Almodovar qui m'a marqué. Ensuite, on passe au 7e, Vaiana, de Ron Clements et John Musker. Ouais, quand même. Voilà. Oui. 7e, j'attendais beaucoup le film, hein, c'est un film que j'attendais énormément. J'ai pas été déçu, j'ai pas été surpris non plus, hein, c'est pas une grande surprise, c'est assez classique comme histoire, mais j'ai été bluffé que ce soit techniquement d'abord, toute la partie technique au niveau des cheveux, j'étais scotché, au niveau de l'eau, tout ça, enfin tous les décors, l'animation au niveau des visages, comment ils bougent, etc. Et au niveau des vêtements, tout ça, enfin voilà, tout le respect au niveau de la culture polynésienne est vraiment, c'est vraiment. Moi je trouve que c'est un film qui t'invite vraiment au voyage. Et en connaître plus sur cette culture qui n'est quasiment pas représentée au cinéma, dans le cinéma tout court. Hein. Bon, il y a sûrement un cinéma des îles haïtiennes, tout ça, mais ça vient pas chez nous, quoi. C'est pas un truc qu'on a ici, donc c'est pas une culture qu'on a l'habitude de voir au cinéma, et ça fait vraiment plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'ils ont gardé des chants en langue traditionnelle dans la musique, donc ça c'est vraiment cool. Alors il y a des trucs, le film m'a vraiment marqué par petites touches comme ça. La toute première musique que tu entends au début, pendant le logo Disney même. Oui. C'est du polynésien et il y a beaucoup d'échos derrière et tout, c'est très mystique, très spirituel. Ouais, et déjà ça te résume totalement le film en fait. Et tout le film est comme ça derrière et c'est génial ça. Toi Morgan, je me rappelle que tu adores les chants qu'il y a dans la ligne rouge. Oui. La ligne rouge c'est pas grégorien, c'est mélanésien. J'imagine que t'as dû aimer entendre tout ça, toi. C'est tout à fait le genre de truc. Alors j'ai aimé les musiques, les chansons, mais c'est vrai que sur la durée elles ne m'ont pas marqué. Je les ai pas trouvées marquantes, mais c'est personnel. Hein. Mais ça veut pas dire que les chansons sont pas bien. Les chansons en elles-mêmes, mais tu sais toutes les l'ambiance musicale. Ah oui. Très exotique et tout. Ah oui, ça c'est très beau. Bah j'adore Lilo et Stitch aussi pour ça par exemple. Bah oui. Du côté des îles. Ouais. De toute façon, j'ai beaucoup pensé à Lilo et Stitch aussi pendant ce film. On pense beaucoup aussi, il y a du Hercule qui ressort, il y a pas mal de choses qui ressortent du film. Oui, Hercule avec le mini Maui là. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis aussi, quand la chanson Bleu Océan, je sais plus en français. Le Bleu Lumière. Bleu Lumière, voilà. Le seul bémol que je lui porterais, c'est, bon, je l'ai vu en VF. Et parfois, au niveau des traductions des chansons, parce que j'ai regardé rapidement, Par rapport aux versions originales, je les trouve pas top. En fait, on perd un peu au niveau du sens de la musique. Mmh. Bon, c'est très joli, etc. Je ne nie pas la qualité du chant, etc. Mais je trouve qu'au niveau du sens de certaines chansons, on y perd quand même bien 60% sur certaines chansons. Et c'est bien dommage parce que je trouve qu'ils pourraient. Surtout qu'ils font un effort énorme au niveau du casting vocal pour avoir. Bah, Cerise Calixte, elle a vraiment du. Enfin, en version française, hein, j'entends. Oui. Elle a beaucoup de voix, je trouve. Elle a, ça lui va bien. Mais ce que j'adore chez Disney, c'est qu'ils font un effort monumental pour homogénéiser les voix au niveau du chant, surtout. Ben, on le voit sur les vidéos qu'ils font sur YouTube où il y a la chanson en 24 langues et t'as l'impression que c'est la même personne qui chante alors que c'est 24 personnes différentes. Mmh. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Ce que j'adore aussi dans la version anglaise, c'est qu'ils ont pris une actrice qui n'était pas connue, qui vient d'Hawaï, et c'est son premier film, et elle fait elle chante et elle fait la voix de Vaiana. Et ça, c'est assez original dans les films Disney, parce que souvent on croirait pas, parce que c'est assez bien fait, mais souvent c'est des acteurs différents qui chantent et qui font les voix. Et là, je trouve que en plus avec l'accent haïtien d'Hawaï, voilà plutôt l'accent d'Hawaï, ça donne un truc hawaïen. Hawaïen, ça donne une patte supplémentaire au feeling. Ça fait quand même quelques films qui le font maintenant. C'est vrai qu'autrefois, par exemple, je sais pas, j'ai revu La Belle et la Bête il y a pas longtemps, donc je pense à ça. Mais quand Belle chante, c'est pas la même voix que il me semble que c'est pas la même voix que quand que pour les dialogues. En français, ouais, c'est pas. Et en anglais aussi, d'ailleurs. Ouais, alors que maintenant, c'est vrai que je crois que depuis Réponse, ou depuis. Depuis La Princesse et la Grenouille, les chanteuses font également la voix du personnage. Et ça, c'est très bien. C'est ça, Et Anaïs Delva, c'était ça aussi, hein, dans La Reine des Neiges. Hein. Ça demande et du coup, c'est bien. Et ça demande un boulot supplémentaire, puis ce qui est bien, c'est que c'est des voix qu'on n'entend jamais ailleurs non plus. Mmh. Oui, voilà. Sinon, toutes les VF se retrouvent un peu partout, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas le cas, quoi. Ouais, mais ouais, du coup, je suis juste super impatient de le revoir en VO. La VF est très bonne, hein, mais je trouve qu'on perd parfois des sens au niveau des chansons, mais ça, c'est pas très grave. Mais voilà. Il y a que la chanson de Tamatoa, moi, que j'aime pas. Le crabe, là. Ah si, j'ai pas aimé ce passage dans le film. Je trouve que ça dénote trop avec le reste. Ça a un côté trop cartoon. Bah justement, il y a vraiment un mélange de. Enfin, je trouve qu'il s'amuse avec justement avec le personnage sur le tatouage, par exemple, ou pendant la chanson avec Maui. Il y a un mélange de 2D qui est vraiment bien fait, je trouve, et qui est bien apporté au film. Ça donne une ambiance vraiment très spéciale. Mais je voulais dire, en fait, techniquement, il est sublime, mais aussi au niveau des idées visuelles, c'est des choses qu'on voit. Personnellement, c'est vraiment très original. J'ai trouvé ça vraiment très original. Et voilà. En plus, c'est une histoire originale. C'est pas basé sur un conte. C'est basé sur des histoires. De ces îles, mais c'est pas quelque chose qui est pris d'un bouquin pour adapter. C'est vraiment un scénario original entre guillemets, mais ça reste quand même voilà. Vaiana, très très bon film. Si vous l'avez pas vu, je le conseille. C'est vraiment. En plus, ça fait du bien parce que moi j'ai vu Vaiana hier soir et après j'ai enchaîné avec Busan et Stranger. Je peux vous dire que après je me suis remis les chansons de Vaiana. Ça m'a remis un peu d'aplomb. J'imagine. Parce que là. C'est vrai que. Mais même au-delà de ça, bon après c'est vrai que l'histoire, oui, c'est toujours un parcours initiatique. Et là je trouve que c'est une belle fable écologique aussi. Oui. Avec la petite île qui vit en autarcie, mais qui arrive à survivre très bien, mais à condition de respecter la nature et tout. Il y a beaucoup de. C'est bien, enfin, c'est des beaux messages à faire passer aux enfants. Et ce que j'adore aussi avec ce film, c'est l'humour. Il y a l'humour très enfantin, très burlesque du coq, par exemple, etc. Mais il y a aussi. Il est trop rigolo, le coq. Il est excellent. Et il y a aussi un humour un peu plus subtil avec Maui, justement, qui est un peu là pour critiquer le système de princesse Disney, etc. Ils te sortent deux trois blagues qui sont un peu comme le chef Bogo dans Zootopie. Exact, exact. Qui dit ah, ops, on n'est pas libéré, délivré. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils te sortent un peu des petites références, genre Twitter par exemple, ou des trucs comme ça. Prends un oiseau pour écrire avec, ça s'appelle tweeter. Voilà, il y a des petites références comme ça, ils te les balancent, c'est vraiment très subtil. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ces nouveaux Disney, c'est que ça reste pas non plus un humour très, très enfantin. C'est qu'ils se concentrent un peu aussi sur les parents qui viennent voir les films avec les enfants et les adultes qui vont voir les films aussi, hein, voilà. donc voilà, Vaiana, très bon film, je vous le conseille vraiment. Mais une bonne année Disney du coup, hein. Oui, on en parlera un petit peu plus tard. du coup, on passe au sixième, toujours un film d'animation, Anomalisa de Duke Johnson et Charlie Kaufman. Vraiment, ça c'est aussi un univers pour moi. C'est un univers bizarre, étrange, et en même temps, le film est très très touchant, très réaliste. Au niveau d'animation, c'est perdre la mâchoire, quoi. C'est vraiment. Oui, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Magnifique. C'est magistral. Voilà, justement, pour reprendre l'expression du podcast, c'est magistral. Ouais. Et au niveau du scénario, c'est noir, c'est vraiment cryptique. Mais en même temps, c'est vraiment cryptique. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Hein. C'est presque glauque sans être dégueulasse. C'est particulier. Hein. C'est vraiment une ambiance très particulière. Et ça vient de Charlie Kaufman. Hein. C'est son univers avec, comme il avait écrit Eternal Sunshine. C'est vraiment ce genre d'univers. Eternal Sunshine, il y avait peut-être une petite pointe d'espoir à la fin. Mais là, j'avais juste espoir que ça se termine vite. Quoi, Eternal? Ouais, j'aime pas ce film. D'accord. C'est bien. Quoi non plus, t'aimes pas non plus. Oh là là, il me saoule ce film. Bah, j'aime pas du tout. C'est... Ah, bon, bah, je crois que je suis seul à aimer le film, mais c'est pas grave. On parle d'Anomalisa. Anomalisa, donc voilà, un très très bon film d'animation qu'il faut voir parce que c'est très original, c'est quelque chose qu'on voit nulle part. Hein. C'est à part, ouais, c'est à part. En plus, au niveau du casting vocal, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Un seul mec qui fait toutes les voix, ils arrivent à mettre ça dans le scénario. J'ai trouvé ça. En fait, ils utilisent leurs limites techniques à leur avantage pour le scénario. Et ça, voilà, c'est juste génial, quoi. J'ai juste un regret de pas avoir pu voir la pièce dont le film est tiré, parce qu'à mon avis, ça devait être aussi une ambiance assez exceptionnelle sur scène. Parce que c'est à la base une pièce de théâtre et je pense que ça devait être assez bizarre. Joué par des vrais acteurs, pas par des marionnettes. Oui, non, pas par des marionnettes. Voilà. Oui, c'est de la stop motion. Hein. Je l'ai pas dit, mais voilà, c'est un film en stop motion. Donc voilà, comme on disait, le cinéma d'animation cette année, c'est très très bien. Voilà. On passe au cinquième, Tu ne tueras point de Mel Gibson. Voilà, donc un peu plus haut que mes camarades, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Je trouvais que, bien que parfois il tombait un peu dans du cliché de film de guerre, et en même temps, je sens, c'est ce que je disais la dernière fois, mais des clichés aussi maîtrisés, moi j'en veux bien tous les jours. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le passage obligé quand tu fais du film de guerre, mais en même temps il apporte des choses assez nouvelles. Tu vois pas d'objets, enfin moi je crois que j'ai pas vu de film de guerre où il y a des objecteurs de conscience, et là vraiment c'est le thème principal du film et c'est très bien fait, c'est très bien joué. Andrew Garfield qui fout des claques enfin il a une maîtrise du personnage, vraiment moi j'aime beaucoup l'acteur, mais avec son accent à couper au couteau dans la bande-annonce, moi j'y croyais pas du tout. Et finalement, il a réussi à me faire oublier son accent du sud, enfin d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique, des États-Unis du Sud, voilà. Et vraiment pour me faire rentrer dans le personnage, et j'y ai cru, et ça m'a vraiment touché. Le film m'a vraiment touché. J'ai trouvé au niveau de la réalisation que c'était maîtrisé à un point. Mel Gibson, il revient, mais vraiment en forme. Avec une forme olympique, quoi. Et c'est touchant. Parfois, c'est. Le seul reproche que je lui ferais, en fait, c'est que c'est un peu parfois manichéen. Même s'il essaye de s'en détacher à certains moments, c'est les méchants japonais contre les gentils américains. Parfois, il s'en détache un tout petit peu. On voit qu'il essaye de faire un effort, mais finalement, on retombe vers. vers un truc un peu plus. On voit que c'est les méchants japonais sans cœur contre les Américains qui sont là, qui sont là pour la liberté, pour voilà. Mais ça, je pense que c'est un peu inévitable dans un film de guerre américain. Même si Mel Gibson est australien à la base, donc voilà. Mais moi, j'ai trouvé très très bien et voilà, c'est un film. C'est un excellent film. Ouais, un film de guerre comme on n'en voit pas du tout. Puis il y a vraiment, il y a toute une imagerie aussi, je trouve quand même, ouais, avec les tranchées, c'est l'enfer. Il y a vraiment. Il y a l'imagerie visuellement... christique. Mais c'est pas bête. C'est pas bête et méchant. C'est bien fait en fait. C'est bien amené dans le scénario, etc. Et voilà, j'ai trouvé les personnages vraiment touchants. Et puis voilà. Peut-être la fin qui est un peu. En même temps, je pense qu'il était un peu obligé de le faire au niveau de la toute fin. Témoignages. Voilà, oui. Il était un peu obligé de le faire, mais ça sentait un peu le. Ça sentait un peu le truc obligé. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, mais il l'a mis qu'à la fin. Oui, voilà. Heureusement, il a pas commencé le film avec ça, parce que sinon. Il y a quand même t'as le fameux tiré d'une histoire vraie au début, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça on peut pas y échapper. Hein. Ça fait partie de la culture cinématographique quand t'adaptes des histoires vraies. Hein. Je crois que ça se trouve, c'est même légal de. Enfin, c'est obligé par la loi. Je sais même pas si c'est obligatoire. Ça se trouve, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Tu ne tueras point, un excellent film de guerre, comme on n'en voit pas, et qu'il faudrait voir plus souvent, justement. Et un bon retour de Mel Gibson. Oui. Surtout. Voilà, ouais. Et en quatrième, je sais qu'il est un peu bas, mais finalement. En fait, les quatre premiers, pour moi, ils sont numéro un, donc voilà. c'est Zootopie. De Byron Howard et Rich Moore. Donc, de toute façon, on en parlera un peu plus prochainement, j'imagine. Mais voilà, c'est le film Disney qu'on n'attendait pas. C'est un film Disney mature qui a des thèmes vraiment très. Il arrive à aborder des thèmes assez compliqués, mais d'une façon très élégante et très subtile. Et voilà, c'est vraiment splendide. Déjà, visuellement, c'est splendide, mais bon, ça. C'est Disney, donc il y a pas. On parlait des cheveux sur Vaiana, c'est vrai que la fourrure. De toute façon, c'est la même technologie. Du coup, je pense qu'ils se sont échangés là-dessus au niveau des animateurs. Ça devait être un échange assez constant, puisque les films sont. C'est depuis 2002, je crois qu'on n'avait pas vu deux films Disney sortir la même année. L'année dernière, c'était deux films Pixar la même année. Ouais. Bon, le deuxième n'étant pas aussi bon que. Good Dinosaur n'était pas non plus exceptionnel, mais c'était un bon film. Zootopie, vraiment exceptionnel au niveau de la réalisation, au niveau du message. C'est juste splendide, c'est magnifique. Et je pense qu'on en parle juste après. Je vais laisser la parole à Eddy. Pour son. Alors, en fait, maintenant, on va faire tous les trois. Voilà. 3, là, hein. Voilà, tous les trois, on va donner notre numéro 3. Donc, en commençant par Eddy. Ok. Donc, moi, numéro 3, c'est Je vous souhaite d'être follement aimé de Ouni le Comte. D'accord. Que vous avez sûrement pas vu. Non. Alors, non, et j'avoue, là. Ouais. Et ben, c'était totalement magnifique. Mais c'est pas juste beau, touchant, ce que vous voulez, c'est que c'est un film, moi, qui m'a vraiment. Comment dire, c'est pas évident. Qui m'a piqué dans la chair, quoi. Il s'est passé un truc et j'y attendais. Je m'attendais tellement pas à vivre ça, en fait, sur ce film-là. Moi, au départ, j'y allais que pour Céline Sallette, que je trouve en général très bien. Mmh. Mais là, elle est parfaite, quoi. Elle était déjà géniale dans Les Revenants. Oui. Et là, franchement, elle est d'une justesse, c'est assez fou. Après, c'est pas un film hyper complexe ou quoi que ce soit, mais au niveau de l'émotionnel, je trouve que le film va très très loin et c'est beau. C'est vraiment très très beau. Je parlais de Roux, mais tout son rapport à la maternité. Là, c'est la même chose, sauf que. L'histoire, pour situer un peu, parce que bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas évident. Oui, oui. L'histoire, en gros, c'est Elsa, kinésithérapeute, part s'installer avec son jeune fils Noé à Dunkerque, ville où elle est née sous X. Quelques mois plus tard, elle Elle y a entrepris des recherches sur sa mère biologique, mais cette femme a refusé de dévoiler son identité. Et d'accord. En fait, il y a toute cette thématique autour de cette jeune femme donc, qui est maman et qui recherche sa propre mère. Et finalement, elle va la retrouver sans forcément trop le savoir au départ. Et il va se passer plein de trucs. Et au niveau des symboles, c'est d'une beauté. Mais moi, ça m'a ému aux larmes, quoi. C'était... elle est kiné, et c'est vrai qu'à un moment, parce que ça, elle soigne, il y a un moment où elle prend sa mère dans ses bras, mais c'est une technique de kiné, c'est pour les problèmes de dos, les choses comme ça, et la maman se retrouve en position fœtale, mais dans les bras de sa fille. Ouais, d'accord. Et ça, c'est sûr que c'est que des images, mais le cinéma, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi des images et des moments. C'est principalement des images. Hein. Bah, si Gilbert Montagnier, il va te dire non. Oui, forcément. mais c'est vrai que. Bah, avec l'audio-description, voilà. Ouais. mais du coup, voilà, c'est. Et moi, c'est une image que j'ai en tête depuis que j'ai vu le film, et elle sort pas, elle reste bien ancrée, quoi. Et tout le film est comme ça, il y a une justesse à la fois dans les mots, dans les dialogues, dans les interprétations, dans l'écriture, c'est très simple, mais c'est pas du tout un film France 2 à l'instit ou machin, quoi. C'est du pur film français comme on en voit souvent, mais c'est parfaitement géré, c'est subtil et c'est beau, quoi. Et voilà, moi j'ai été très ému et franchement je vous le conseille, c'est vraiment très bien. Bah ouais, je connaissais pas. Tu l'as vu, Morgane? Non, je l'ai pas vu, non. Mais d'accord. Il passait dans mon cinéma d'RSM, mais non, effectivement, je suis pas capable. Bah moi je ne connaissais même pas le titre, donc. Non, je connaissais, oui, mais je suis surpris de le voir aussi haut, hein. C'est vrai que. Je savais qu'il avait aimé, j'avais lu sa critique. Mais de là à ce qu'il soit, oui, dans le top 3, hein, c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais d'accord. Ça rend curieux du coup. Bah oui, moi j'ai envie de le voir. Hein. Ouais. Donc Morgane, on passe à ton troisième. Numéro 3, attention, ça pousse. The Hateful Eight, les 8 salopards de Quentin Tarantino, que j'ai revu. Le premier. Non, alors. Non, parce que si on m'écoute bien. Non, mais non. C'est pas ça pour ça. C'est forcément, il fallait bien qu'il soit quelque part celui-là. Bah oui, donc, ouais. Mais oui, alors, quelque part, oui, mais je savais pas qu'il allait être dans ton 3 parce que c'est le premier film que j'ai vu cette année d'ailleurs, hein, au cinéma. Ouais. Et c'est vrai que je l'avais pas revu, je l'ai acheté en Blu-ray il y a même pas 2 semaines. Et c'est vrai que de revoir des films qu'on a vus il y a un petit moment, en début d'année, ça fait du bien parce que ça permet de les réévaluer un petit peu. Et bon, je l'ai vu 2 fois au cinéma, hein, forcément, mais, oui. mais là, le revoir en Blu-ray avec tous les films que j'ai vus, ça m'a permis de voir à quel point, bah déjà, c'est un des Tarantino que je préfère, tout simplement. Mm-hmm. Et qui, honnêtement, je l'attendais. Pas vraiment, parce que moi, Django Unchained, je suis pas fou, hein. Parce que la violence cartoonesque de Django ne me convient pas, et j'avais peur qu'il, justement, fasse un peu de la redite. Et finalement, il m'a complètement pris de court, parce que The Hateful Eight, c'est un western avec des influences horrifiques totalement assumées. Rien que le générique du début, c'est flippant. Ce film fait peur, vraiment. Voilà, il revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire un lieu clos, des acteurs, des dialogues, avec des personnages qui sont, pour le coup, et coucou Suicide Squad, mais des vrais méchants. Il n'y en a pas un. Pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un d'attachant. On peut pas s'attacher à un personnage de film, c'est pas possible. Ils sont tous détestables, et du coup, on reste 3 heures avec des personnages pour qui on a zéro empathie. Qui sont tous, on sait tous que ils ont leurs secrets les plus pervers, les plus malsains qui soient. On sait que ça va éclater, on est dans l'attente et c'est servi par des dialogues qui sont passionnants, un rythme qui est le sien, c'est-à-dire que c'est un petit peu lent quand même. C'est un film qui est lent mais c'est pas long. Moi c'est ça que j'ai aimé dans le film. C'est un film très ambitieux au final qui tranche par rapport à tout ce qu'il a fait. Et c'est voilà le Tarantino le plus violent, le plus choquant, parce qu'il y a des scènes où si on m'avait dit que j'allais être gêné devant un Tarantino, normalement on a tendance un peu à c'est un peu fun, même s'il y a des scènes c'est un peu de l'humour noir, mais il y a des fouloirs. Voilà, des fois, mais là c'est même pas un défouloir, c'est vraiment des petites touches de violence qui arrivent sans prévenir, qui sont d'une brutalité dingue et visuellement c'est époustouflant. Époustouflant d'intelligence et c'est du grand cinéma, des meilleurs Tarantino que j'ai vu, une leçon de mise en scène. et Jennifer Jason Leigh, voilà. On peut maltraiter un personnage féminin, on peut lui en mettre plein la gueule pendant le film et on peut la respecter. Enfin voilà, je suis obligé de comparer parce que voilà, en termes de vrai méchant, c'est le film ultime quoi. C'est un Suicide Squad meilleur que Suicide Squad. Bah, voilà. Ouais, parce que elle se fait battre quand même, hein, Jennifer ouais. Jason Leigh dans le film. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Elle a le nez en sang, des coups de poing dans la figure, elle se fait vomir dessus. Enfin, ça va très loin. Et finalement, bah non, Tarantino a l'amour de ses personnages, le respect de ses acteurs. Et ben voilà, ça donne un pur chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un grand film. Ouais. Ben alors, donc moi, c'est mon troisième et c'est Sea of Trees de Gus Van Sant. Ah oui, c'est vrai. Je croyais qu'il était premier, celui-là. On en a parlé en off tout à l'heure. Non, il n'est pas premier. Ah. non, il a un peu, enfin il a. Il n'a pas baissé dans mon estime, mais en tout cas, j'ai un peu réévalué. C'est toujours, pour moi, c'est une de mes plus grosses claques de 2016. C'est un truc, enfin, émotionnellement, j'en suis pas ressorti indemne. Mais voilà, ce film est injustement critiqué, je trouve. Il a objectivement ses défauts. Hein. Je l'ai jamais caché. Le twist est un peu attendu, il y a des choses comme ça, mais en même temps moi j'ai tellement été transporté par la réalisation, par les acteurs, par tout ce qu'il y a autour, les décors qui sont sublimes, décors naturels qui sont à tomber par terre, que ce soit de beauté ou de laideur justement. Mais c'est un film qui m'a marqué à vie et je suis juste dégoûté que du coup comme il a eu une telle mauvaise réputation à cause de il s'est fait siffler à Cannes etc voilà les distributeurs français déjà l'ont mal distribué en salle et en plus on se retrouve avec un DVD tout pourrave mal compressé etc enfin voilà c'est naze, il y a même pas eu de Blu-ray pour le film. C'est pour dire, donc le film est vraiment pas respecté, je trouve, à sa juste valeur. Même si, enfin voilà, c'est alors qu'il y a des merdes qui sortent en Blu-ray. Enfin voilà, c'est bon, on va pas faire le débat maintenant parce qu'on pourrait en parler dans le flop. Mais moi, je comprends pas pourquoi ce film a été autant détesté. D'accord, il y a peut-être des trucs un peu convenus, etc. Mais ça vaut pas tant de haine, je trouve. Ça vaut vraiment pas tant de haine. Et c'est même si on n'apprécie pas le film, je trouve que c'est un peu injuste de critiquer juste pour ça. Voilà, les acteurs sont sublimes, la réalisation a tombé par terre. Gus Van Sant exceptionnel quand il filme ses personnages, il adore ses personnages, mais en même temps il en rend fou plein la gueule. C'est génial. C'est en plus tu ressors de là, t'es passé par toutes les émotions et t'es vraiment rincé quoi, et t'es parti pour 3 jours avec c'est vraiment génial. Ce film est vraiment cool, donc voilà. On passe au deuxième dédit. Donc c'est Quand on a 17 ans de André Téchiné. Que Morgane m'a... On sait quel est le premier. Voilà, que Morgane m'a fait découvrir. Alors, j'ai eu du mal à choisir entre celui-là et le premier. Ah non, je vois pas du tout c'est quoi le premier. Ouais. Ah, vraiment pas. Sérieusement? Réfléchis Morgane. Il avait raison, Morgane. Enfin, pour une fois, il avait raison. Il savait que j'allais aimer ce film. Il avait raison. c'est vrai que ce film m'a vraiment énormément touché. Alors, évidemment, ça a fait écho à beaucoup de choses personnelles, mais au-delà de ça, je trouve que Téchiné, il a une manière de faire dans ce film c'est un film qui est très organique dans la mise en scène et aussi au niveau des acteurs. Mais ce soir, je vais le voir celui-là. Ça. Ouais, bah, je pense que tu vas aimer aussi. Hein. Ouais. Et en fait, il y a vraiment une manière de traiter le sujet, alors à la fois de l'homosexualité, mais aussi encore une fois, la famille, du rapport à la mère, au père, l'adoption aussi, dans un sens, enfin même surtout. Et c'est vrai que tout ça passe à travers le médium de ces jeunes garçons qui se détestent autant qu'ils s'aiment. Et je trouve que cette histoire, finalement, elle est sublimée par tous les décors qu'il y a autour. Donc c'est la montagne, c'est les saisons qui passent, donc c'est cette histoire qui grandit, tout ça. Il y a vraiment plein de choses. Et Téchiné, finalement, d'une histoire qui pourrait être une thématique de tellement vrai, limite... Non mais c'est non mais franchement, qui pourrait être une thématique d'une émission d'Energie 12, lui ouais. il arrive à rendre ça poétique et tellement tellement accessible et réaliste, c'est le genre de truc qu'on pourrait voir partout et mmh. surtout c'est dénué de jugement. Il y a aucune dans la manière de faire, il y a aucune forme de jugement, que ça soit envers le personnage de la mère par rapport à son fils ou envers le personnage du fils par rapport à ses parents adoptifs, ouais. tout ça. Voilà, c'est un film qui prône la tolérance, mais qui la prône pas de manière bête et méchante. C'est les gens critiques sont tous des cons. Non, c'est pas ça le message. C'est que c'est surtout que bah, déjà il se passe des choses partout, pas seulement en métropole, à Paris et compagnie. Ouais. Là, c'est dans le fin fond de la montagne et il se passe des choses aussi bouleversantes et aussi belles et aussi tout ce que vous voulez que dans les grandes villes. Donc, déjà, ça c'est bien, c'est un bon point. Merci à Téchiné de penser aux provinciaux. Ouais. On n'est pas tous des bouseux, hein. Et franchement, voilà, moi c'est un film qui m'a énormément ému et il méritait vraiment d'être deuxième selon moi. Ok. Uh-huh. Dans mon top en tout cas. Ouais. Donc Morgane, tu vas pouvoir passer à ton deuxième. Oui. Oh là, déjà deux. Ouais. Le numéro 2, c'est. Steve Jobs de Danny Boyle. Okay. Oui. Ah, forcément. Léo, hein. Ah oui. Non, mais... Ouais, mais quand il nous dit qu'il l'a aimé, c'est qu'il l'a aimé. Oui, mais alors, voilà. Et là aussi, encore un film que j'ai revu. Je m'étais contenté d'une seule séance au cinéma. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à devenir le fanboy de Michael Fassbender que vous savez. Oui, vous êtes tous saoulés avec ce film. Oui. Et c'est vrai que par rapport au Huit Salopards, bah, à la base, Steve Jobs était, il était derrière. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà, je l'ai revu en Blu-ray. Et, c'est un peu le 9e. Hein. Comment ? C'est un peu le 9e Steve Jobs. 9e Salopard. Pourquoi ? J'ai pas compris. Non, mais vas-y, continue. Ah d'accord, on me parasite et en plus on fait des blagues que je ne comprends pas. un projet auquel j'ai revu un souvenir Facebook où j'avais demandé à l'annulation de ce projet tellement ça partait dans le n'importe quoi parce qu'il est passé aux mains de plusieurs réalisateurs, dont de David Fincher, et à la base ça devait être lui et en acteur principal Christian Bale. Du coup c'est Danny Boyle et Michael Fassbender. Et toujours au scénario machin. Aaron Sorkin, oui, forcément, Aaron Sorkin, et c'est là tout l'intérêt du film, c'est que j'ai pas eu l'impression de voir un biopic. C'est une pièce de théâtre, ce film, découpé en trois grands axes. Trois grands axes. En même temps, c'est pas un biopic non plus. Hein. Un peu pour ça que les gens. Le film, concrètement, les gens s'en foutent un peu. Quand il est sorti, ils ont pas voulu y aller parce qu'ils s'attendaient à des biopics plus classiques. Alors qu'en fait c'est pas là tout l'intérêt, c'est évidemment un portrait d'homme, portrait de famille, oui, un portrait c'est montrer fille. trois moments importants dans la vie de dans la vie d'un homme en général. Ouais. Alors là effectivement on se sert de Steve Jobs pour le montrer, mais en tout cas dans ce film c'est vraiment rendre Steve Jobs attachant, humain, alors que moi je le vois comme le symbole de la technologie, je vais pas dire déviante, mais un petit peu onéreuse et pas forcément utile. Alors que là, on en fait un homme profondément bouleversant, qui doute, avec un caractère un peu compliqué à cerner. Et c'est là toute l'ambiguïté qui m'a fasciné dans le film, et c'est servi grâce au, enfin, c'est tout l'intérêt, réside dans les dialogues. C'est des dialogues qui sont, c'est très rapide, même le rythme aussi, même si c'est un biopic où ce sont des gens qui ne font que parler, c'est rythmé parce qu'ils s'envoient des joutes verbales en permanence, des répliques qui fusent, les personnages sont en mouvement, ils font que de marcher, c'est un rythme effréné aussi. Et les acteurs, mais Michael Fassbender, mais encore une fois, je regrette qu'il n'ait pas eu l'Oscar de meilleur acteur pour nous, même si DiCaprio était très bien. Mais pour moi, ça restait une prestation un petit peu facile. Et Michael Fassbender, dans la sobriété, dans la délicatesse, parce que c'est une performance aussi, d'être dans la retenue, ben, je trouve qu'il aurait mérité qu'on lui donne un petit coup de pouce. Ça fait des années qu'il le mérite, depuis Shane déjà. Ouais. Et là, il a explosé littéralement en faisant pas des tonnes, en étant tout ce qu'il y a de plus sobre. Et le film est très sobre. Et c'est ça qui me plaît. C'est cette sobriété permanente et cette... Et c'est passionnant, tout simplement. Enfin, il y a des scènes émouvantes, la scène de fin est bouleversante, et une scène de dispute avec la BO derrière, une musique qui va crescendo. Enfin, Il y a des moments de... Les scènes de dispute en général dans le film sont très bien. Moi, c'est une scène qui m'a vraiment marqué, c'est la scène dans le couloir avec Michael Fassbender et Jeff Daniels. Ouais, moi aussi. Oui, c'est ça. Aussi, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Et des allers-retours permanents et même dans la manière dont le film il est pensé, dans sa structure, c'est brillamment pensé, brillamment monté, brillamment écrit. Les styles aussi. Comment ? Il y a bien quelques... Pardon. Il y a bien quelques time codes, mais c'est pareil, le style, c'est con, mais au niveau des tenues, tout ça, il y a tout un travail aussi. Oui, et au final, c'est pas... L'ambiance, c'est jamais la même ambiance d'une époque à l'autre. Oui, en plus, ça se suit techniquement. D'une décennie à l'autre. Oui, voilà, parce qu'ils avaient filmé, je sais plus quoi, en 30 mm pour certaines, enfin, pour les années 70 ou quelque chose. Enfin, voilà. Ouais. Ils suivaient par rapport à l'époque la technologie au niveau de la technique pour filmer, quoi. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose que je trouve très admirable de la part de Danny Boyle. Et justement, Danny Boyle, moi, je suis pas très client parce que moi, son cinéma un peu épileptique, ça me gave un peu. Autant j'adore Son homme millionnaire, mais alors la pub d'Hécaton avec James Franco, même pas en rêve. Non, parce que 127 heures, c'est pas possible. Enfin, 127 heures. Tu as vu ? Non, et on me tanne pour que je le vois, mais j'ai même pas envie de le voir. C'est pas. Je pense que c'est qui va sortir. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, on m'a dit que je devais le voir, mais. Il y a une telle hype autour du film. Il est sympa, mais c'est pas non plus le film de la génération. Hein. C'est pas. Voilà. Ouais, moi, c'est vraiment si. Moi, je le vois. Enfin, ça me manque pas, quoi. Oui, mais là, du coup, je trouve que l'esthétique un petit peu clinquant, mais pas très, de Danny Boyle, plus le scénario d'Aaron Sorkin, plus ses acteurs, y compris Kate Winslet. Oui, on n'a pas parlé. Et même Seth Rogen, il est pas agaçant. Mm. C'est dingue. un film où Seth Rogen n'est pas énervant, c'est quand même un bon film. Et surprise totale, parce que je l'attendais pas vraiment. On en avait parlé dans les anciens parlants cinéma. Oui, je m'en fous, Steve Jobs, voilà. J'avais juste vu une affiche, je me suis dit, Fassbender, il a quand même un truc. Et j'y suis allé pour lui, et c'est plus qu'une grande. Moi, je m'attendais quand même à sortir en me disant, Fassbender est génial, mais le film m'a laissé sur le carreau, quand même, même si je l'attendais de plus en plus. Et finalement, c'est de la mise en scène, des dialogues, c'est tout ce que j'aime au cinéma, quoi. Mm. Enfin, presque. Moins que le premier film qui arrive après. C'est okay. C'est un petit peu tout ce qui fait qu'un film est bon, quoi. Et c'est voilà. Vrai que c'est tellement rare que des biopics, parce que bon, finalement ça reste quand même c'est un portrait de. Voilà. C'est tellement rare que ce genre de film-là soit aussi bon que ça. Oui, et puis original aussi, enfin, dans leur manière d'aborder le sujet. Oui, dans sa structure, dans la façon dont le film a été pensé, je trouve ça astucieux et brillant. Et finalement, ça se démarque de tous les biopics que j'ai vus. La dernière fois qu'un biopic m'avait fait cet effet-là, c'était Flo-Flo de Florian Emilio Siri, qui lui aussi s'autorisait des plans séquences, tout ça. Enfin, dans sa mise en scène, il y avait quelque chose qui faisait qu'il se démarquait. Et ben là, Steve Jobs, c'est exactement le même exercice. Et bon, c'est filmé différemment, évidemment, mais c'est surtout que voilà, c'est cette idée de trois grands actes pour raconter la vie d'un homme, mais c'était ça qu'il fallait faire, alors que un mec un peu lambda aurait fait le début, la fin, machin, et finalement même sans avoir d'implication. Mais c'est le début, le milieu, la fin pourtant. Oui, sans s'attarder sur des trucs un peu futiles, et c'est ça qui m'a. Le truc lambda, ça aurait été le de Steve Jobs, de sa montée jusqu'à son décès. Hein, et même à la fin, c'est quoi? C'est le climax avec sa fille, j'en dis pas plus. Ouais. Et au final, c'est un film de Danny Boyle. Il n'y a pas le fameux Steve Jobs est mort. Il n'y a même pas l'étiquette de fin. Danny Boyle, il a eu la bonne idée de partir du fait que finalement tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Steve Jobs, mais que lui, il l'a raconté de manière différente. Et puis c'est une commande en plus, c'est même pas lui qui a voulu, à la base c'est un film de Fincher, et Fincher a bien eu raison de le faire parce qu'il s'est barré pour Gunger, ce qui est très bien. Avec une commande, comme quoi une commande, ça veut pas dire forcément mauvais film, ça peut devenir comme ça quoi. Mais Big ça, Eyes de Tim Burton était très bon. Hein. Oui. Ouais. Je vous ai pas entendu. c'était pas mauvais quand même. Ouais, j'ai pas tellement aimé, mais après c'est pas un film mauvais. Moi j'ai pas trop aimé. Pour une commande, ça va, hein. Ouais. Oui, ça aurait pu être pire. Bon. Mais vraiment, grand film. Voilà, très grand film. Magistral. On va passer à un autre film, un autre très grand film. Donc, c'est mon deuxième. On en a déjà parlé un peu avec Morgane. C'est Mademoiselle de Park Chan-wook. C'est quoi ton premier alors ? Donc, si tu l'as pas deviné, franchement, moi j'ai deviné le tien. Hein. Ah bon ? Oui. Bah, vous verrez. Donc, Mademoiselle de Park Chan-wook, on en a déjà parlé un peu avec Morgane. Park Chan-wook, pardon. la grosse surprise de cette fin d'année, mais en même temps, j'attendais tellement ce film. T'aurais pu être déçu, hein, surtout. Ouais, je l'attendais, mais il m'a encore plus surpris. Donc, c'est ça, c'est le genre de. C'est le genre de sentiment que t'adores avoir quand tu vas voir un film. Et vraiment, ce film m'a retourné le cerveau. Je pense pas que ce soit non plus le genre de film pour commencer le cinéma coréen, parce que c'est assez étrange, vraiment vraiment bizarre, lourd, c'est lourd, et c'est vraiment dérangeant, quoi. C'est enfin même moi qui ne suis pas je peux accepter des imageries assez folles, mais là Mademoiselle, ça va quand même assez loin dans certains trucs, et ça le fait très très bien. Si, enfin, moi je pense que ça. Si, je pense que tu pourrais le voir quand même. Si t'as aimé, enfin, si t'as pu supporter The Strangers, tu peux le voir. Franchement. J'ai l'impression que quand je vous écoute, The Strangers c'était insurmontable, mais j'ai réussi. Non, mais c'est vrai que The Strangers c'est pas le film que je conseille à quelqu'un qui a un peu néophyte de ce cinéma. Ouais, ouais. De toute façon, tu me l'avais dit en plus avant de commencer. Mm. Oui, donc voilà, Mademoiselle, c'est vraiment un portrait. Un portrait de deux femmes vraiment sublimes, magnifiques, remplies de twists. En fait, c'est très difficile de parler du film parce que on peut pas aller trop loin, parce que sinon on va spoiler vraiment très sévèrement. Mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se passent dans ce film qui sont vraiment exceptionnelles. Et, moi, je me suis fait vraiment retourner le cerveau par le scénario, par la réalisation qui est millimétrée, mais à un point, c'est vraiment. T'as l'impression que. C'était déjà le cas, hein, sur Stalker. Oui, mais mais là c'est une étape supplémentaire, hein. C'est vraiment il a passé la cinquième, quoi. C'est vraiment c'est vraiment génial, ce film. Il est bourré de rebondissements, bourré de surprises. Les acteurs sont géniaux et les actrices aussi, hein. Le scénario, c'est quelque chose qu'on a enfin, moi j'ai jamais vu ça. C'est assez original, franchement. En fait, c'est difficile de parler du film. La bande originale aussi, qui est vraiment géniale. Enfin, tout dans ce film est génial. Il est tout dérangeant, est super mais génial. Un point. Voilà, c'est ça. C'est super génial. Il est dérangeant à un point. Même, je m'en suis pas remis vraiment. Hein. Quand je suis sorti de la salle, j'avais encore du mal à sortir du film, parce que on est plongé dedans pendant. Je crois qu'il dure 2h30. Quelque chose, non, je sais même plus combien de temps il dure. 2h30, hein, 2h30. Ouais, voilà. Mais t'as pas l'impression que ça dure 2h30, t'as l'impression 2h24. Que c'est. Ouais, voilà, t'as l'impression qu'il dure. Que ça a duré une petite heure et demie, voilà, c'est tout. Et tu en demanderais encore une heure en plus, si possible, quoi. Voilà, et je finirai ce point sur Mademoiselle en disant: écoutez le son des clochettes. Tout ce que j'ai envie de finir sur ce mot. ceux qui ont vu le film comprendront. Oui. Voilà, donc on va passer maintenant à la grande catégorie, hein, enfin le plus haut du panier. The best of the best. Ouais, meilleur sur le gâteau. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Donc le premier de notre top 15, en commençant par Eddie. Alors, grosse surprise, Morgan, ça y est, t'as trouvé quand même. Oui, je crois que t'as trouvé. Oui. Commence par un Z. Voilà. C'est Zootopie de Byron Howard, Richmo. Et Jared Bush. Donc, ouais, c'est Disney. Exact. Hein. Oui. Comment faire ça? Bon, c'est Disney, quoi. Ouais, voilà, c'est. Alors, j'ai longtemps hésité. Je suis un gros fanboy, aveugle, pas objectif. C'est Disney, je préfère ça au reste. C'est plus compliqué que ça. C'est déjà, c'est pas un top objectif. Parce non. Il y a aucun top mieux que Zootopie cette année. Oui. Il y a des films d'animation meilleurs que Zootopie cette année, même. Pas beaucoup. Franchement, je sais pas où tu les vois les trous. Presque pas. Mais bon. Moi, c'est clairement le film devant lequel j'ai passé la meilleure séance de l'année. Ouais. Et je l'ai revu 3 fois chez moi en Blu-ray, et c'était toujours pareil. Donc, partant de ce constat, je me suis dit qu'il était quand même bien parti pour être premier. Mais après, je me suis posé la question, je fais quoi? Je mets un film d'animation en premier, je mets pas un film d'animation, et je me suis dit, je m'en bats les... Bah oui. Et j'y vais, et j'ai mis Zootopie en premier, parce que ce film est génial. Et c'est pas si lisse qu'on pense, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ouais. C'est à la fois une vraie critique de notre société et en même temps un message de tolérance. Et d'optimisme. Et d'optimisme, bien sûr. Mm. C'est une fausse utopie. Et ça, c'est pas évident à faire passer comme message aux enfants. Et voilà, moi j'aurais pas grand chose à dire parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Et je vous invite à lire ma critique, mais allez-vous à la relire. Mais vraiment, c'est Disney à son meilleur, quoi. C'est le Disney qui ose, qui pose une pierre dans le cinéma grâce au visuel et tout, parce que c'est quand même assez dingue. Et puis ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est touchant, mais au-delà de ça, ça fait du bien de voir qu'une firme comme Disney est capable de rire d'elle-même et de penser différemment que Princesse et compagnie. Donc, même avec Vaiana, hein, c'est différent de tous les films de Princesse qu'on a eu jusque-là. Ah, hein. Bah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est vrai que voilà, moi je suis content que ce film ait marché et j'ai cru essayer d'aller à Disneyland dans une semaine où ça se trouve j'y suis actuellement pendant que vous écoutez ce podcast et puis aller m'acheter des peluches, quoi. mais voilà, non, c'est franchement c'est certainement le meilleur Disney depuis une bonne dizaine d'années. Bah oui, non, mais c'est vraiment un film, moi je le trouve parfait, ce film, vraiment, il n'y a pas un temps mort, on est tout le temps dans... Bah oui, sur tous les points, l'humour fonctionne à fond, l'écriture est bonne, les personnages les sont attachants, ils ne sont pas bêtes, il y a de l'autodérision, c'est parfait, quoi, moi au bout de... Après, il faut aussi être honnête avec ce qu'on pense et tout. C'est le film qui a fait mon année. Ça, c'est clair. Clairement. Donc voilà, Zootopie, premier meilleur film 2016 pour moi. Alors, je vais peut-être faire un petit mea culpa. Vous savez, Roux, j'ai mis en 14e. Mais Zootopie mérite aussi quand même. C'était compliqué. J'étais étonné de pas le voir chez toi. Non mais moi aussi je suis étonné. Oui, non. Allez, Room, allez, dégage. Zootopie 14. Tu l'as pas en Blu-ray? Non, pas encore. Je voulais, il faut. Moi, je l'ai pas encore non plus. Mais il faut, parce qu'en Blu-ray, ça a de la gueule. Oui, non mais de toute façon, je l'ai vu deux fois au cinéma. Bon, c'était un peu pour des raisons. Oui, la première, c'est parce que c'était. Voilà, c'était absolument le bordel dimanche matin, voilà. mais ma deuxième séance le soir m'a complètement pas réconcilié, parce que je voyais des bribes de génie dans le chaos ambiant qui m'entourait pour la première séance, mais. La deuxième séance, c'était une révélation, quoi. Ce film, il est génial, quoi. C'est vraiment, si vous avez un film d'animation à voir cette année, c'est celui-là. Je pense qu'on peut, on est tous, enfin, moi personnellement, je suis d'accord. Ah oui. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Contre, si je devais récompenser la meilleure chanson issue d'un film de l'année, ce serait pas la chanson de Shakira. Non. Ce serait la reprise de Regina Spektor sur Kubo et l'armure magique. Ah oui, Kubo. Oui. Ouais. Kubo, très très bonne BO. Qui est vraiment très très bien. Ouais. Ouais. On va passer à Morgane. Alors, Eddie aurait-il deviné? Moi, j'ai deviné. Peut-être. T'es moi, sûr? Moi, je suis trop con en fait. Donc. Ça commence par un N. Tout à fait. Attends. Par un N. Par un N, oui. Nerve? Non. Non, je vois pas. Bon. Mais ça va me sauter aux yeux, hein. Ça va me paraître. Oui, tu vas dire ah bah oui, d'accord. C'est que j'ai alors. Pas le... Le numéro 1, c'est Suicide... Non, je déconne. Non, le numéro 1, c'est Nocturama. Ah ben oui, quel con. Évidemment. Nocturama de Bertrand Bonello. Oui. Voilà, alors, il est haut, hein. Il est vraiment haut, parce que... je pensais pas que tu l'aurais mis si haut. Moi aussi, c'est quand j'ai entendu ton deuxième, je me suis dit, putain, tu l'as mis en premier. Oui, parce que, voilà, là, c'est pareil. Alors, même si je l'ai pas revu, mais je sais que ce film-là, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. Parce qu'il m'a procuré, je pense, les émotions les plus intenses de l'année. Et c'est même pas, je pense, c'est sûr. C'est-à-dire que on a aussi tendance à dire que le cinéma français n'ose rien, ne fait rien. C'est du confort, de la facilité, de la paresse, de la... Cette année, on peut voir que ça a été le contraire. Ça a été le contraire. Vous voyez quand même qu'on est comme... je m'adresse aux auditeurs. Oui. Vous voyez à quel point, quand même, on n'est pas des vendus ou quoi que ce soit. Parce que Morgane, on peut me rappeler qu'il n'avait pas vraiment aimé Saint-Laurent. Il n'avait pas trouvé ça super... Bon, je crois que t'avais pas aimé tant que ça. T'avais juste trouvé Gaspard Uliel. Ah non, j'ai adoré Saint Laurent. Ah bon, pardon. C'est celui de Jolie l'Espère. Ah bah non, en fait, on est vendu. Celui... Bon bah non, non, en fait, on est des vendus. Jolie l'Espère que j'ai pas trouvé très bon. Oui. Non, mais celui de Saint Laurent, justement, c'est pour ça que j'attendais Nocturama, parce que pour moi, Bertrand Bonello, c'est juste un des réalisateurs français les plus ambitieux qu'on a en ce moment. Je pensais à un truc, ça se trouve, Axel, le premier de son top 10, c'est Rogue One, alors qu'il l'a même pas vu. Jusqu'au bout des ans. Bah ouais, attends. Et c'est surtout un film, moi, qui me faisait très peur, parce que il est d'une actualité folle, plus que jamais, surtout en ce moment. Il y a encore eu des attentats et tout. Et c'est vrai que c'est pas le genre de film que j'ai envie de voir, parce que j'aime aussi aller au cinéma pour m'évader, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que quand un film s'accroche trop à la réalité, parfois ça me fait un peu peur. Ouais. Et en fait, ce film est nécessaire, et parce qu'il est malin, parce qu'il va à l'encontre de tous les préjugés que j'avais en entrant dans la salle. C'est-à-dire que finalement, quand moi on me dit attentat, je pense à, vous savez, le fameux groupe terroriste commence par D. Ouais. Et en fait, le film ne traite pas du tout, ça parle pas du tout de ça, ça parle de jeunes français qui sont de tout, voilà, un film profondément anarchiste, de tous les milieux. Il y en a qui viennent de banlieue, il y en a un qui fait Sciences Po, il y en a un qui est agent de sécurité. Mais ce sont des gens qui en ont marre. Ils en ont marre, ils se sentent vilipendés, ils se sentent arnaqués par la société et ils ont envie de pousser un coup de gueule. Hein ? Un beau mot, vilipendé, j'aime bien. Tout simplement. Oui, j'y ai pensé. Voilà. Et ils ont envie de pousser un coup de gueule, ils le font en posant des bombes dans différents endroits de Paris et en trouvant refuge dans un magasin pour un peu réfléchir à leur vie. Et voilà. Donc le film, là, comme ça, c'est peut-être pas très vendeur, mais il est transcendé par une réalisation qui est parfaite. D'ailleurs, Bertrand Bonello vient de la pub et a fait un peu de musique aussi, il me semble, et ça s'entend, parce qu'il y a un rapport avec la musique qui est très fort dans le film. Ça donne des moments de légèreté magnifiques à base de My Way. Il y a une scène où il y a un des personnages qui se transforme en femme et qui chante du My Way, alors qu'à l'extérieur, c'est quand même le chaos, mais eux sont dans une petite bulle, c'est une petite parenthèse, et comme c'est un magasin, donc il y a un côté un peu critique de la société, parce qu'évidemment, un peu comme Zombie de Romero, finalement. Oui, ouais. Ils sont dans le magasin, ils utilisent un peu tout, là, ils font un petit peu les cons, et finalement, cette galerie de personnages qui font ce qu'ils font avec, pour se faire entendre, on pourrait les trouver détestables, mais au cinéma, enfin, d'un point de vue cinématographique, ils sont profondément attachants parce que je les comprends, et je me suis reconnu dans certaines de leurs coups de gueule, enfin, dans certains de leurs coups de gueule, sans forcément cautionner leurs actes. Mais c'est vrai que c'est un film qui fait réfléchir. Et puis c'est aussi de visiter Paris la nuit. Enfin, pour moi, c'est une ville qui est très cinématographique. Oui, ouais. Et c'est vrai que Bonello, voilà, de sa maîtrise, de son ambition formelle et de son audace. Parce que pour moi, sortir un film comme ça dans les conditions actuelles de notre société, c'est profondément audacieux. Et pour moi, c'est la preuve même que le cinéma français n'est pas mort, qu'on peut faire des petites bombes. Et je dois dire que la fin, les 20 dernières minutes, c'est ce que j'ai vu de plus éprouvant cette année. Je suis sorti, j'avais plus de voix, parce que c'était estomacant de brutalité. Et c'est ça, en fait, qui est bien dans le film. C'est qu'on passe de moments très brutaux, aidez-moi. Oui, brutaux. Brutaux, voilà, à des moments de un peu plus légers, et du coup ça donne là aussi un petit côté hybride très fort, et sur la durée, bah ça dure 2 heures, et là au bout de 2 heures on est passé par toutes les émotions du monde, et direction d'acteurs, c'est des acteurs qui sont globalement amateurs, sauf un. C'est ça qui est fou, oui. Il y en a deux, il y a Vincent Rottier qu'on voit un petit peu partout, et Finnegan Oldfield qui jouait avec François Damiens dans Les Cowboys, le film était pas terrible, mais lui, voilà, il a du potentiel. Et j'espère qu'il sera nommé au César, qu'il aura au moins des prix, parce que techniquement, cinématographiquement parlant, c'est vraiment le film ultime de l'année pour moi. C'est ce que voilà, le cinéma français, c'est pas que des comédies, c'est pas qu'Eva Adams, c'est aussi des films qui osent, des films qui ont des choses à dire. Et qu'est-ce que ça fait du bien, un peu d'audace. Même un film où ils font péter l'Elysée. Il faut le voir spoil. Pour le voir, quoi. Non mais c'est pour, voilà, non, spoil, on le voit très vite, mais voilà, c'est cette idée de dire non par rapport au contexte politique actuel. Bah Bonello, lui, il va dire des choses, il comprend la jeunesse, et c'est une jeunesse qu'il faut pas oublier, alors que à la base on a tendance justement à parler dans le cinéma français des problèmes des vieux, tu sais, dans les cinémas d'auteur. Bah là, non, on a un film d'auteur qui parle des jeunes. Ah, je trouve que quand même, on s'attarde plus vers le côté un peu jeune bourgeois, que là, il y a tous les milieux réunis. Et du coup, ça donne un côté très cosmopolite au film, qui est pour moi percutant, et j'ai encore du mal à m'en remettre, et j'ai hâte qu'il sorte en DVD. Bah, moi, je suis impatient de le voir, parce que ça fait, comme, ça fait deux fois que tu nous en parles. Et je suis vraiment très curieux de voir ça. Ah ouais, c'est un grand film. Et qui prouve que Bonello est un grand, grand réalisateur. Saint-Laurent, voilà, pour le coup, il y a eu un malentendu, mais non, j'ai adoré Saint-Laurent parce que justement, ça ressemble. C'était parce que tu pas fais partie de Télérama. C'est... Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Hein. Oh là là là là. Entre Verhoeven, Bonello, dis donc en ce moment. Quel top prétentieux. Oui. Oh. Voilà. Est-ce que vous avez deviné mon premier? Ben pas du tout. Pas du tout. D'accord. Eh ben c'est Sausage Party. Non. Arrête. Non non, je sais. Je sais. Oui, moi c'est pas difficile. Hein. C'est Café Society. Non. Non. D'accord. Non. Hateful Eight. Quentin Tarantino quand même. Oh, putain. D'accord. Mais oui. Oh là là. Mais c'est celui-là. Je t'applaudis. Oui. Bah oui, attends. Oui, The Hateful Eight quand même. Mais oui, ah bon, bah bon, voilà. Premier film vu en 2016. Ouais, mais ça va être Rogue One quand tu l'auras vu. Non. Je suis pas sûr. Pas sûr. pour dépasser The Hateful Eight, faut y aller. Hein, parce qu'il y a eu Mademoiselle avant, donc enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, The Hateful Eight, Quentin, Morgan en a déjà parlé. On a déjà bien parlé. Mais voilà, c'était une grosse claque. J'ai dû le revoir une deuxième fois parce que j'étais vraiment pas sûr de mon avis. Il m'a tellement dérouté ce film par rapport à ce que je m'attendais à voir que j'ai dû le voir une deuxième fois pour me faire, pour me refaire un avis. Et finalement, j'avais adoré. Et j'adore toujours. Enfin, je l'ai pas revu depuis, mais les images me restent en mémoire vraiment bien gravées. Voilà, c'est une direction d'acteur exceptionnelle, c'est une ambiance mais qui fait froid dans le dos. On est vraiment plongé dans la psychologie des personnages. C'est une écriture Tarantino, il arrive à des sommets d'écriture dans ce film qui sont qu'il a dépassé dans aucun film, je trouve. Même si Kill Bill c'est mon film de cœur, mais The Hateful Eight c'est vraiment un des films que je préfère de Tarantino, quoi. C'est peut-être le deuxième ou le troisième après Pulp Fiction, quoi. Ça atteint vraiment des grands sommets de réalisation aussi. C'est splendide à regarder. Et en même temps, c'est dégueulasse, hein, parce que il y a des scènes, comme tu as dit, c'est vraiment, il y a des summums de l'horreur absolue. Oui, c'est de l'horreur. La façon dont les personnages crient, leur souffrance. Ouais, ouais. Ah, c'est la psychologie, même, violence physique et psychologique, vraiment. Mais c'est sublime, quoi. C'est vraiment marquant à vie. C'est un film dont je me lasserai jamais, je pense, parce que on trouve toujours des petites choses. Il y a vraiment une subtilité dans le placement des objets, dans le décor, dans le placement des personnages. Les personnages, ils font toujours quelque chose. C'est plus des acteurs, quoi. C'est vraiment des personnages dans un film. Ils sont coincés dans cette pièce et ils font des trucs, même en arrière-plan, qui paraissent insignifiants, mais qui auront un rapport plus tard dans l'histoire, et ça on le découvre à partir du deuxième visionnage en fait, et c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment un film, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a réussi à faire un film aussi parfait, quoi, vraiment. Et dire qu'il a failli ne pas se faire, hein. Mais ça m'aurait tué, je pense. Mais vraiment, c'était tellement dégueulasse que le scénario se retrouve sur internet et qui décide de pas le faire, ça aurait été tellement, ça aurait été tellement dommage, quoi, de pas pouvoir faire ce film, parce qu'il est, c'est le sommet de sa carrière, mais vraiment, quoi. C'est il se bonifie avec l'âge. Quentin Tarantino, bon, il a pas fait non plus que des, c'est quoi nouveau, avec Kurt Russell et sur la route là, le Grind. Ah, Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sympa, mais qui n'atteint pas les sommets des autres films. C'est pas un mauvais film, hein, mais c'est pas ce qu'on a en droit d'attendre d'un Quentin Tarantino, je trouve. Mais voilà, c'est tout ce qu'on aime dans Tarantino, et c'est fois 1000, donc c'est génial. Les acteurs sont exceptionnels. Voilà, en plus l'univers est vraiment très cohérent, quoi. Les personnages ont tous quelque chose à faire et ont tous une histoire à raconter. C'est pas des personnages creux, vides, sans intérêt. On peut pas s'attacher, comme Morgan l'a dit, on peut pas s'attacher aux personnages parce que c'est impossible. C'est vraiment les pires salauds de l'univers, mais en même temps, voilà, ils sont. On apprécie de les suivre quand même. Donc, et ça, c'est vraiment une prouesse d'écriture et technique qui est quand même quelque chose qui est pas à dénier, quoi. Donc voilà. Mon film préféré de 2016, c'est The Hateful Eight. Comme j'ai dit avant, je n'ai pas vu pas mal de films, donc oui, ça... moi aussi, on en a raté. Même là, voilà. Il y en a qui manque Passenger. Oui, et pourtant, Morgan, il après a vu. Après Passengers, moi, je pense que ça aurait pas été dans mon top. Hein. Ouais, ouais, moi non plus, mais plus, là, on non, est. Non, un que j'ai loupé et que ça m'a fait chier, franchement, c'est Réparer les vivants. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Ouais. Là par contre ça me fait chier là de pas pouvoir en parler. Mais c'est marrant parce que Morgan, tu vois, genre je crois que t'as vu une centaine de films au cinéma cette année et 160 ouais voilà, et t'as toujours un film qui manque. Alors vous imaginez, pour moi qui ai vu que 36 films c'est déjà beaucoup hein, pour certains enfin voilà, mais moi cette année c'est une année record, je suis quasiment à 70 films vus. Non 70 vus, films mais pas au cinéma. Pas qu'au cinéma, mais je veux dire sorti cette année. Ah oui, moi c'est plus que 36 vu cette année, hein. C'est dans les 60, quelque chose comme ça, mais au cinéma j'en ai vu 36 et je crois que c'est mon record. Au cinéma j'ai dû y aller une quarantaine de fois, je crois. Ouais, voilà. Mais voilà, donc il y a plein de films que j'ai pas encore vus, donc il est possible que le top change. Je pense pas que les 3-4 premières places changeront fondamentalement. Mais si vous voulez savoir mon top quand ce sera définitif, vous pourrez aller voir sur mon sens critique. De toute façon, on donnera ça à la fin de l'émission. Voilà. Ben voilà, on a fait les tops. C'était long. Je pense qu'on va passer maintenant. Et on pourrait même faire, vous savez, une petite synthèse par rapport à tous les films qu'on a dit. Le film de l'année pour Movies Nerd, je pense que ce serait The Hateful Eight, du coup, parce que c'est lui qui est revenu le non, plus non, près. Non, parce qu'il est pas, non il est pas chez Eddie. Hein. Il est pas chez moi. Ouais, mais il est premier chez toi et troisième chez moi. Oui, donc mais il est revenu. Oui, mais après Movies Nerd, il y a d'autres mondes. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, je l'annonce comme ça. De toute façon, l'émission elle sortira que fin d'année. Donc, du coup, vous aurez vu ça, je pense, avant que l'émission sorte, ou peut-être ça se passera juste après. Mais on fera un top général pour Movies Nerd, où je prendrai le top de chaque personne qui est chez Movies Nerd, et on fera un top pour l'équipe en entier, pas que du podcast, donc ceux aussi qui écrivent les critiques, etc. Donc voilà, ça ce sera un article qui paraîtra en fin d'année, et voilà, c'est tout. Je sais pas si on pourra dire un film qui ressort partout. Et on est tous d'accord, c'est un peu. Mais non, mais parce que Morgan il a pas non plus très haut, donc du coup c'est un peu compliqué. Très haut, ouais. Très haut, on est très différents en fait. Ouais. Donc voilà. Il y a X-Men qui est à la même place chez tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est X-Men, c'est le film de l'année. Ouais. Non, bon voilà, donc vous avez nos tops respectifs, et puis voilà, vous aurez cet article sur Movies Nerd. Et puis ben on va passer maintenant au flop 2016, c'est parti. Et non, Axel du passé, c'est Axel du futur qui te parle, qui vous parle finalement. C'est très bizarre de parler à la troisième personne, donc je vais arrêter de parler comme ça. Mais je voulais vous rappeler que c'est une émission en deux parties, comme d'habitude. Donc la première partie que vous venez d'écouter concernait notre top de l'année 2016. J'espère qu'elle vous a plu, cette première partie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, etc. Comme d'habitude, je vous rappelle les adresses juste après. Voilà, donc la deuxième partie qui concernera notre flop 2016, ainsi que nos surprises et déceptions et nos attentes pour 2017. Sera diffusé très tôt, début janvier, vraiment assez tôt, donc ce sera très prochainement. Voilà. Ce que je voulais dire rapidement avant de passer au petit blabla habituel, bien sûr, c'est que je parlais juste avant d'un article qui allait publié pour le top 10 de l'équipe Movies Nerd, le top 10 des films pour l'équipe Movies Nerd, donc ça, ce sera publié le 31 janvier, voilà, en même temps que nos vœux de bonne année, etc. Sur le site moviesnerd.net, et donc si ça vous intéresse de savoir notre top 10 vraiment mutuel, Donc ça, ce sera le 31 janvier sur le site, et puis voilà, vous pouvez le retrouver sur le site moviesnerd.net. Je parle beaucoup trop, donc je vais arrêter rapidement. Je vais quand même vous dire les petites adresses. Donc je l'ai déjà dit 3 fois pour le site, mais je vais quand même le redire une 4e fois parce que voilà, moviesnerd.net pour retrouver toutes nos critiques, nos émissions audio et vidéo, etc. Voilà. On vous réserve quand même quelques surprises pour l'année prochaine. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des trucs qui sont encore à l'état de projet. Mais voilà, il y a pas mal de graines qui sont en train de germer dans mon cerveau et dans nos cerveaux communs. Et qui me paraissent assez intéressantes. Bien sûr, on va tout faire pour les faire éclore, mais on verra bien. En tout cas, il y aura au moins 2-3 petits trucs qui seront sympas sur... 2-3 petites nouveautés qui seront sympas sur Movies Nerd qui vont apparaître assez prochainement, on va dire. Voilà, j'en en dis pas plus. Ensuite, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook c'est Movies Nerd tout court et sur Twitter c'est Movies_Nerd. Vous pouvez retrouver les podcasts, donc Parlons Cinéma et le podcast Movies Nerd sur iTunes et sur SoundCloud. C'est là que vous pouvez vraiment nous aider si vous nous aimez vraiment. C'est là où vous pouvez vraiment faire la différence. C'est en nous mettant des étoiles sur iTunes et en commentant sur PodCloud. Ça nous permet de monter dans les statistiques et ça nous permet de nous faire découvrir à plus de gens en fait. Donc voilà, c'est un bien commun, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc c'est vraiment sympa si vous faites ça. Vous aurez notre reconnaissance éternelle et voilà, ça nous aide énormément. Je rappelle beaucoup de fois, mais... C'est vraiment important, donc voilà. Je rappelle rapidement pour moi et pour mes collègues nos adresses respectives. Je vais commencer par Eddy. Donc Eddy, vous pouvez le retrouver sur Sens Critique et sur Twitter, sur le Facebook de Movies Nerd et sur Movies Nerd aussi. Donc sur eStark, E-S-T-A-R-K, et eStarkfield avec PH. ILE à la fin sur Twitter, voilà. Pour Morgan, c'est sur Twitter CinéMorgan et sur Vodcaster, c'est Cinémaniac, voilà. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc TheLexal, sur Twitter et sur ce Sens Critique en fait, voilà. TheLexal, THELEXAL. Comme ça, tout est dit. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'émission du bilan de l'année 2016. Voilà, je vous souhaite encore de bonnes fêtes, de vives voix. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao.